Vous êtes sur Indestar, il est 21h et vous êtes avec vos Peck Avengers favoris. Bienvenue à tous. Ouais. 23h, c'est Peck Avengers sur Indestar. Magnifique générique de Peck Avengers, c'est le tout nouveau, ça vient de sortir. Nous l'avons chanté nous-mêmes, je précise. Ouais. Il est magique. Alors, bonjour et bienvenue déjà pour commencer. C'est votre émission les Peck Avengers, le jeudi de 21h à 23h, tous les jeudis. On se retrouvera, malheureusement, pour certains. Malheureusement. Non, ça dépend. Non, on se retrouvera tous avec Jolan. Bonsoir. Bonjour Jolan. Bonsoir plutôt. Christophe ? Hein ? Tu m'as appelé Christophe là ? Non. J'ai pas rêvé, tu m'as appelé Christophe ? Non, je t'ai pas appelé Christophe. Tant mieux. Nous avons Antoine aussi. Bonsoir. Et nous avons Gaylan. Bonsoir. Ça va Gaylan ? Ça va. Tu m'as pas appelé Christophe ? Non, Christophe. Teddy. Je savais qu'il m'appelait Christophe. Et arrête, je vais t'appeler Christophe pendant toute l'émission après. Ah non, moi je m'appelle Teddy. Hein. Comme ça vous le savez. Vous pourrez reprendre à Jolan si il dit Christophe. Alors, dans cette émission, on va parler de films, de séries, de mangas et bien sûr de jeux vidéo. Ouais. C'est un peu le... C'est le principe Peck Avengers, si vous n'avez pas compris. Le non. Principe de cette émission. Exactement. Toi, tu vas nous parler de quoi Je vais vous parler d'une série. Mais tu vas nous parler de... J'en dirai pas plus pour l'instant. Tu nous parleras aussi de temps en temps de jeux vidéo, je crois. Ouais. Ça va arriver. Parce que, ouais. Bien sûr. Dans la deuxième heure ou la première, je sais pas trop comment on s'organise. Voilà. C'est... Bah, on verra bien. Ouais. Ça, on le dit pas. Mais... On fera selon nos envies, on vous présentera des jeux ou des mangas ou des films. Comme ouais. Gaylan, il va nous présenter des films en théorie. Toi, tu seras spé film, je crois. Ouais. On n'en dit pas plus. Non. On garde la surprise, évidemment. On garde la surprise. Ouais. Et toi, Antoine, tu nous présenteras des jeux si je me trompe pas. Là, pour cette émission-là, ce sera un jeu mobile. Oui. On peut dire le nom ? Ah, est-ce que c'est comme suspense pour tout à l'heure ? Non, on peut garder le suspense après, pour tout à l'heure. Fait trop de suspense. C'est Jolan qui ouvre le bal de toute façon aujourd'hui. C'est la première émission et tu mets pas du tout la pression. Ouais, non, pas du tout. C'est Jolan qui ouvre le bal, c'est Jolan qui se plante en premier, comme ça. C'est réglé. Avant de passer à la suite, je crois que Gaylan avait un truc à dire ce soir. Je crois qu'il a une anecdote assez sympa, effectivement. Oui, en effet, hier j'ai eu l'occasion d'aller à l'avant-première de Hors Normes, qui est un film réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache, qui ont pu faire par exemple Nos Jours Heureux ou Intouchables. Ah, oui, effectivement. Ah, oui. Malheureusement, il n'y avait que Eric Toledano qui était présent. Et, Tu l'as vu du coup ? Oui, je l'ai vu. Ah. Et même le film est super, j'ai été très ému. Voilà, c'était un bon moment. Je conseille, il va sortir la semaine prochaine, donc allez le voir. D'accord. Moi, j'ai une petite question du coup. Vas-y. As-tu été le voir tout seul ? J'étais avec des gens de l'escat. Ah, ouais, effectivement, c'est des spécialistes. Vous êtes tous des spécialistes, les gens de l'escat, qu'on embrasse très fort, évidemment. Oui. On les aime presque tous. Ouais, presque. Plein de bisous. Oui. L'escat, que je rappelle, est une école de cinéma à Tours, si je ne me trompe pas. Ok, qui est en Andalou. Pour ceux qui écoutent de Marseille, par exemple. S'ils ne vont pas savoir où c'est. Oui, c'est vrai. C'est... Et toi, Antoine, il t'est arrivé des péripéties À part, j'ai fini tard ce soir. Ouais. Oui, c'est vrai. Bon, je demandais plus ce que tu fous. Un léger retard. Il est arrivé à genre moins le quart. Ah, oui. À 10 minutes. On s'est dit, oh mon Dieu. Je suis arrivé à 40 devant mon portail. Sauf que j'avais oublié de prendre mes clés de la moto. Donc j'ai pris le. Ah merde. Le double qui était sur ma porte, sur mes clés de porte. Et il y a mon badge. C'est le badge pour ouvrir le portail. Sauf que vous imaginez bien que le badge est tombé dans le guidon. Oh, dur. Entre le guidon. Donc j'ai mis plus de 10 minutes à sortir. Oh la galère! Oh mon Dieu! Sacré péripétie! Ouais. Et toi, Jolan, t'en as eu? Ouais, on va, je vais pas le raconter à chaque fois, mais je suis. Ah, la fameuse. Oh, si, on peut le faire! Non, mais je suis piéton jusqu'à janvier, donc voilà. Est-ce une péripétie? Non, bah, il peut jouer à Pokémon Go en attendant! Voilà, c'est ça! Voilà, ça occupe pas! Je me suis remis d'ailleurs à Pokémon. Tu t'y es remis? Ouais. Ah, t'es niveau combien? 14. Moi je crois que je suis passé niveau 17 il y a pas longtemps. 17 Ah oh ah, mais attends, ça se rattrape. Plus de 3 mois. Toi Galen, tu y joues pas de niveau donc non, je joue pas. Non. Voilà. Faut le convertir. Ah, j'ai pas le temps. Tu n'as pas le temps. Moi il y a toujours c'est le dommage. Temps pour Pokémon Go. Moi toujours. Je dis pas mon niveau, hein. Je suis niveau 35 ou 36, je sais plus. Tu joues depuis combien de temps? Avant ou après avoir craqué le jeu? Ah, je sais même pas si c'est craquable. Hein, si, ce si, si, si, c'est craquable. D'ailleurs, j'ai un compte qui a été banni juste après les mises à jour. Ah bah vous ne pouvez plus vous reconnecter sur Pokémon Go, vous avez été banni. Ça, c'est si tu utilises le fake GPS et que c'est tu ça, te déplaces ouais. dans les autres pays. Ouais. Ouais, on avait trouvé un système, genre ça nous envoyait aux États-Unis et tout ça. Ouais, bah oui. Il bah, y a des manips à faire, bien sûr, nous ne vous expliquerons pas ça. Parce ouais, que bah non. C'est triché quand même. Et puis, maintenant, avec toutes les mises à jour, ils détectent direct les cheaters. Donc, si tu tiens un compte, personnellement, ouais, j'y tiens un peu. T'es un peu dans la merde, là. D'accord. Donc, ce soir, on vous parlera pas de Pokémon Go. Non, en théorie. À part cette petite parenthèse. Non, tu vas nous parler d'une série normalement. Ouais, mais je le dirai après la musique, peut-être. Bah, on peut le dire avant. Ça fera un teasing. Bah, on va c'est toi qui ouvre le bal. Déjà, une série américaine. Série américaine. Il nous en dit pas plus. Antoine, t'as une idée? Oui. Série américaine qui est sortie en 2008. Ah, on l'a NCIS. Non, Breaking Bad. C'est moi qui l'ai fait découvrir en plus cette série. Orange is the New Black. Big Bang Theory. Oh, je suis élu Orange is the New Black. Oh, Big Bang Theory, excellente série. J'adore. Ouais. Ah, je sais pas, j'aime pas. Mais c'est toujours pas ça. C'est peut-être trop soutenu. Non, mais en fait, si tu veux, j'ai concerné, j'ai trouvé ça tellement débile que j'ai pas accroché. Ah ouais? Ouais, c'est pas humour absurde. Non, mais c'est pas Hypo Friends. Friend. C'est un peu le même humour que Ma Famille D'Abord. Ah, pour toi, ouais, c'est bien, mais c'est plus différent que Ma Famille D'Abord. Oui. C'est l'humour qu'on n'a pas l'habitude. Ils sont un peu concons, les mecs, là-dedans. Avec des mots qu'on n'emploie pas souvent. Des domaines où... Moi, je trouve ça rigolo, en vrai. Ouais, non, personnellement, je suis un fan. Donc, si tu veux pas teaser ta musique... Ma musique. Ouais, tu veux pas teaser c'est la pas musique. La mienne, c'est celle du pourquoi tu veux pas la musique, ça, je peux la teaser. Ça sera On ira de Nola. Ah, bah et juste va, après, tu nous présenteras ta série que tu ne veux toujours pas dire le nom. Bah non, je dirai après. Au destin de Lisa. Voilà. Oh mon dieu. La petite maison dans la prairie. Non, c'est pas ça. Donc, hein, c'est Dr. Quinn. Ah, non, même pas. Docteur Quinn, femme médecin. Oh. Tu sais que j'ai un moment qui a toujours ça en fait. Ça fera dans le rétro. Hercule Poirot. Oh, si on peut c'est éviter pas, ça. C'est pas trop américain ça, Hercule Poirot. Ouais, par contre, c'est pas américain. Colombo. Cool. Oh, on est dans le cliché, les gars. C'est bien Colombo. Bah, j'aurais dit Derek, mais c'est pas du tout américain. Colombo non, Derek. Derek. Derek. Ah, ça me dit quelque chose. Moi aussi, un peu. Si, c'est un chien. Non, c'est un inspecteur. Inspecteur Derek. Ah ouais, c'est ça. Il y a pas un mec. Je crois que c'est allemand, je crois, ce truc-là, non? Ouais, comme le chien, Derek. Derek. Je suis sûr que je connais un chien qui s'appelle Derek. Je le connais pas. Je le retrouverai, je vous montrerai une photo. Bon, en attendant, on va s'écouter On ira de Nola. Ouais, et il y a le producteur qui t'écoute, il fait la grimace parce que t'as dit quoi? On s'écoute? Ouais. Oh, un point pour Griff. Ok, je m'en vais. Nos super-héros du jeudi soir sont sur Indestar. 21h-23h, c'est PK Avenger. Exactement, c'est PK Avenger avec Jolan, Antoine, Gaylan et bien sûr Teddy. Ouais. Et je tiens à préciser, si vous avez écouté, si vous avez les images... Vous Christophe ? Non, je suis pas Christophe. Je refuse. Je veux pas m'appeler Christophe. Arrêtez avec Christophe. Okay, Jean-Christophe. Je voulais dire, si vous avez les images, vous voyez certainement un petit Théo qui se balade dans les studios et qui fait nos jingles. voilà, il fait coucou. J'ai dit petit parce qu'il est à genoux. N'ayez pas de sous-entendu, s'il vous plaît. Il fait nos jingles, il se cache. Et il fait nos jingles, on va dire, à la main. Tapis dans l'ombre. Ouais, voilà. C'est ça, artisanal, à l'ancienne. Voilà, donc on lui dit un grand merci, évidemment. Ouais. Merci, Théo. Merci, Théo. T'auras ton sucre à la fin. Je te cogne pas. Donc maintenant, tu vas peut-être pouvoir nous parler de ta série. Tu vas peut-être pouvoir dire le nom, non? Bah oui, je vais dire le nom. J'ai parlé de Son of the Anarchy. Ah. Je sais pas si vous connaissez. C'est assez connu. Ça me dit quelque chose. Je crois que je l'ai vu sur... Non. Tu l'as vu? Peut-être sur Netflix. Enfin, j'ai pas vu. Bah, c'est diffusé. Ouais, c'est... Je l'ai vu, je crois. C'est diffusé sur Netflix, ouais, effectivement. Et Antoine connaît aussi parce que c'est lui qui m'a conseillé d'ailleurs de regarder cette série. Oui. Alors j'ai fini la saison 3 d'ailleurs. Tu sais que je suis à la dernière épisode de la saison 3, moi. Déjà? Je suis à la honte à plus de la moitié, mec. Le premier qui a fini, il a un bonbon. Oh, c'est ça, il va falloir que je me bouge les fesses, moi. Sacré bonbon. Oui, j'espère. Si tu savais quel. Je promets ce moment à des enfants. Non. Ça part en cacahuète. Ouais. Du coup, c'est une série télévisée américaine qui est composée de 92 épisodes qui sont de 39 à 81 minutes. Va savoir pourquoi il y a une variable comme ça. Pourquoi ? Je sais pas. 39 à 80, donc on peut dire 40 à 80 quasiment. Oui, voilà. Mais donc t'as un épisode qui dure deux épisodes. Ouais, c'est ça. Je sais pas pourquoi. Logique. Mais après, je pense que ils ont fait ça pour le genre, tu sais, pour faire durer le suspense de la saison. Ah, alors peut-être. Pour t'inciter à continuer à regarder, que tu sais, quand même, il y a 7 saisons, hein, c'est pas rien. T'imagines, tu rentres du boulot à la même heure tous les jours, tu te dis, oh, je vais me poser, genre, je vais regarder un épisode. Mm-hmm. Tu regardes un épisode, et ben non, il dure 80 minutes au lieu de 40 habituellement. C'est du bon, tu te dis, soir, je me couche pas à 22h, mais je me couche à 23h. Ah, bah ouais voilà. C'est ce que je fais moi au week-end. Je sors pas, je reste tu regardes Son of Anarchy. Ouais, je reste enfermé chez moi, je regarde ça jusqu'à ce que j'en peux plus, quoi. Parce qu'au bout d'un moment, c'est vrai que c'est chiant, tu fais une pause, hein, parce que 80 minutes d'épisode à chaque fois. Ouais, c'est clair. Au bout d'un moment, stop. Pose toilette déjà. Ouais. Des fois, t'as l'heure, tu fais oh putain. Ouais. Ça fait presque un film. 4h du mat. Non, un dernier épisode. Ouais, là, c'est ça. Tu dis oh, il dure 39 minutes, oh, ça va. Et en fait, il dure 80. Et cette série elle a été créée par Kurt Sutter, je sais pas si Kurt Cobain. Kurt Sutter, je sais pas si mon accent anglais est bien prononcé. On va dire que oui. Elle est diffusée le 3 septembre 2008 sur FX, une chaîne aux États-Unis, et le 9 octobre 2009 en France sur M6. Voilà, je l'ai jamais vu. Bah, en 2009, j'étais trop petit, mais je l'ai jamais vu. Ouais, c'est pas faux. Non, moi non plus, j'ai jamais entendu parler avant que tu n'en parles là aujourd'hui. Ou peut-être en répète à la rigueur, mais ça je ouais, le dis pas. En répète, ouais, c'est bizarre. Mais c'est ouais, c'est vrai que maintenant bébé. Voilà, donc c'est une série qui est pas toute jeune. Mm-hmm. En 2009, elle a 16 ans, je crois, si je dis pas de conneries. Non. 10 ans. Alors, 10 ans, apparemment. Ouais, Amélie, si tu nous écoutes, il y a Jolene qui est aussi fort que toi en maths. Amélie ouais. Qui fait partie d'Actu Insolite le lundi de 23h. De 21h à 23h. Ouais. On y participe tous les deux d'ailleurs. Oui, c'est vrai. Ah oui, c'est vrai. Et moi, de temps en temps, quand je peux. Ouais. Oui, voilà. Voilà. Je vais vous raconter le synopsis de la série pour le coup. Non. Non, vous avez pas envie. Si, demande pas la permission, vas-y. Alors, l'histoire se déroule à Charming, ville fictive du comté de San Joaquin en Californie. Ça sonnait mal dans mes oreilles, j'ai cru entendre Tchernobyl. Non, ah non, du tout. Une lutte de territoire entre dealers et trafiquants d'armes vient perturber les affaires du club de bikers, le fameux club South of Anarchy. Maintenant, j'ai du mal à le prononcer. C'est un club de bikers. C'est un club de bikers. J'arrive pas à parler ce soir. C'est un club de bikers ou MC en anglais. Voilà, on dit ça. MC ? Ouais, ça veut dire motocycle club ou voilà. Oui, c'est motocycle club. J'ai vraiment un accent de merde. Je connais rien en moto. Moi non plus. Ni en gang, ni en biker. Voilà. Donc du coup, ils ont l'idéologie anarchiste, pour le coup. Ils foutent le bordel partout où ils vont. Son of Anarchy. Voilà, tout le nom de la série. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? Leur but. C'est quoi leur but dans leur la vie ? Leur but, le but de ce club, bah, c'est de vendre des armes et de conquérir le marché dans Charming. En fait, ils veulent prendre le contrôle de ces lignes. Ouais. Et bah, y a d'autres gangs qui s'interposent. Du coup, bah, forcément, il y a des guerres, il y a des fusillades, il y a des policiers qui se font tuer. Ils sont entre les deux. Faut avoir un peu l'estomac accroché parce qu'il y a des scènes qui sont un peu trash. Je vais pas spoil. Ah oui ? C'est interdit aux moins de 12 ans ? Il n'y a pas de limite d'âge, surprenant. J'en ai pas vu. Oh ? C'est même pas. Oh, c'est peut-être Netflix, c'est pas marqué en début d'épisode. Ouais, non, mais pas. Plus c'est 13 pas... Ou... Non, sur Netflix, ils ont pas précisé d'ailleurs, c'est bizarre. J'étais étonné. Ouais, c'est vrai, c'est étonnant. Ouais. Je crois que j'ai cru voir. Je crois que c'est moins de 19 Non, moins de 16 ans, je crois. Moins de 16 Ouais, si je m'en souviens, parce que vu que ça parle un peu de tout. Moins de 16, c'est pas quand ça commence à devenir érotique ? Ça peut être sexe, toi, pour l'instant. Ouais, c'est vrai. Bah, il y a tout, il y a sexe, meurtre. Ah bon, voilà. On a la totale, c'est bon. Voilà, c'est très explicite. C'est validé. Est-ce que je pourrais dire un truc, quoi ? Oui. Ça dépend. J'ai regardé sur YouTube, parce que je me suis renseigné un petit peu. Mm. Et en fait, Sons of Anarchy, c'est inspiré de la vie des Hell Angels. Un gang aux États-Unis, j'ai vu un reportage. Ouais, et franchement, c'est inspiré de leur vie. Ouais. Excuse-moi. Tu vois, il y a un reportage qui se passe en Belgique. Enfin, il est sorti, il est très vieux le reportage. Hein. Mais les mecs, ils sont. J'ai oublié le nom déjà. Le gang. Evil Angel ou non, voilà. Il y a des gens qui se sont appropriés aussi ça et ils roulent en Harley et tout. Dans, en Belgique, j'ai trouvé ça aussi. Non, j'ai fait le mec, les mecs qui sont américains, c'est non, des Belges qui font ça quoi. T'en as en France aussi. Hein. Oui, bah ouais. Tant qu'ils parlent pas avec Québécois. Genre. Et maintenant, ils s'appellent plus. Je vois pas les gros durs parler Québécois. Ah, ils s'appellent plus les Hell Angels maintenant, c'est les chapitres qui s'appellent. Les chapitres. Oui. Alors franchement, ils auraient pas vu le chapitre. Ils ont fait une réunion pour voter ce nom, franchement. Ouais, c'est ça. Ça se trouve, ils aiment les chats. Ouais. Et les pitres. Et les pitres. Ou alors ils aiment lire, ils aiment les chapitres. Ah, vous avez, c'est horrible. Ça part trop. Hein. Non, moi j'avais une question du coup. Oui, le gang dans Son of Anarchy, est-ce qu'il est inspiré du gang où que là il y a un rappeur qui s'appelle Sixteen il a balancé plein de gens de ce gang? Non du tout, mais ouais, il y a des gens qui passent dans la corruption dans ce gang là effectivement. Logique. Voilà. Corruption, donc ça après, va. Après, je veux pas en dire trop parce que sinon je vais spoiler. Donc, j'ai même pas envie de parler du premier épisode parce qu'il faut le découvrir vraiment. D'accord. Ouais. Il dure pas 80 minutes, non, non, non, non. Ça peut commencer en tout ça. J'ai une heure 30. C'est presque un petit film en vrai. Ouais. Et il y a des acteurs vachement connus dont je suis désolé, j'ai oublié les noms. Je sais pas si tu pourras me rappeler. Charlie Hunnam. Ouais, et il y en a un autre qui joue. Hannibal Shaw, tu sais, dans Pacific Rim. Ah oui, comment il s'appelle? Oh! C'est Oh, je vais avoir du mal à trouver son vrai nom, mais il oui, a une il a vraiment une tête de méchant. Oui, là. Celui qui a les grandes chaussures et qui se bouffait par un kaiju. Voilà. J'adore la mort qu'il a en plus, c'est trop drôle. Ah, c'est magnifique. Pacific Rim, un film à regarder. Hein, c'est le mec qui joue. C'est Clémoreau. Le gars qui joue Clémoreau, ouais, le ouais, mais qui l'a fait un autre film, c'est comme un débile, ça s'appelle Tombe Machin Débile. Hein oui, ça Tombe Machin Débile. Oui, on va avoir mal à retrouver. Faut que je me rappelle du nom, mais franchement, le film est pas trop mal. D'accord. Merci. Ouais, on sait toujours pas dire. Oui. Aussi, il y a Jack Steller, le vice-président. Il joue aussi dans Pacific Rim. Il joue. Comment il s'appelle Raleigh Beckett. Raleigh, ouais. Ouais, Raleigh Beckett, c'est le héros principal. Ouais, le héros principal de la Rime. Série. Ouais. Voilà un film que je conseille d'ailleurs, que je parlerai peut-être pendant une prochaine émission. Le 1 et le 2. Ouais. Il y a le 2 qui est sorti. Oui. Depuis longtemps. Oui. Je l'ai acheté en DVD. Ah merde, je sais que vous avez pas aimé. J'ai vu que 1, mais je savais même pas que le 2 était sorti. Vous avez pas aimé, mais j'ai pas aimé Pacific Rim. Tu sors. Je veux te voir dans ce studio. Si tu veux, en fait, tu es viré. Le 1 ça passe, mais alors le 2 je me suis endormi devant. Elle dit rien parce que je l'ai pas vu. J'ai regardé à peine 20 minutes, je me suis endormi. La seule chose que je peux te dire pour le 2 c'est Obsidian Fury. Je te dirai juste ça, comme ça te donnera envie de regarder. Ah oui, non, mais il joue là-dedans lui. C'est pas une personne. Non. C'est un nom. Ah, pardon, excuse-moi. Je te dis pas ce que c'est, je te dis pas à quoi ça correspond. Obsidian Fury. Ah, Obsidian, voilà. J'ai pas compris, excuse-moi, ok. Ah, pardon. Je pense que j'ai fait le tour de la série. Est-ce que vous avez des questions à propos de ça? Elle te plaît? Bah, moi, perso, elle me plaît, ouais, j'en suis non, à la non, saison 3, pas, donc je regarde. Ouais, elle me plaît. Il y a combien de saisons déjà? 7. 7 7 saisons, j'en suis à la moitié. Ah ouais, t'as la moitié après. T'as commencé quand à la regarder? Il y a un mois. D'accord. Ah, voilà. Oh ouais. C'est vraiment tout récent. Ouais. T'en manges pas mal. Bah comme j'ai le temps, oui. Ouais. Voilà. Comme je suis à pied. Aucun rapport, mais. Salaud. Et toi, voilà. Antoine, t'as commencé quand? Bah un peu avant lui. Bah, un mois et demi, ouais. D'accord. Et t'es toujours que. Il t'a dépassé quand même. Bah, en même temps, je travaille moi la journée, donc je peux pas trop. Il travaille. C'est quoi cette excuse bidon? Ouais, mais c'est vrai, je travaille, donc je peux pas. Non, mais tant que je suis au travail, tu vois. Ouais, mais je l'aime bien. En même temps, tu je travaille. Un petit épisode au travail. Bah, j'avoue bien, mais moi, c'est parce qu'on me chope. Genre, quand t'es au shot, tu vas te caler dans les. Tu regardes là. Mais tu sais que ça m'est arrivé ça? Ah. De quoi? T'as regardé un épisode au shot? Non, mais genre, j'ai l'autre toilette, je mettais YouTube et genre, je mettais une vidéo. Ok. J'ai vu une VDM. Oh, c'est horrible. Faut que je vous la raconte. Il y a une fille, en fait, elle était à son boulot et elle est partie aux toilettes. Et en fait, elle était tellement fatiguée parce que ses gosses ont fait le bordel la nuit précédente. Elle s'est endormie sur les chiottes pendant 2 heures. Ah, dur! Ça, je l'ai fait. Et en fait, elle a été réveillée par son patron qui a défoncé la porte. Oh. Il s'inquiétait. Ce qui paraît logique. Bah oui, tu m'étonnes, pendant 2 heures, t'as pas de nouvelles de ton employé. Y a de quoi s'inquiéter. Bon, je laisse deviner qu'elle était quand même. Ça, je l'ai fait sur le trône. Ah oui, d'accord, on va pas rentrer dans les détails. En train de dormir, oui, mais. Oh, c'est assez drôle. Toujours mieux que. Je faisais des siestes de 10-15 minutes. Que le père de Tyrion Lannister, quoi. Le père de Tyrion Lannister. Qui est-ce? Bah, vous regardez pas Game of Thrones? Non, vous n'avez pas la référence. Il est mort sur les chiottes? Voilà. C'est vraiment ridicule. On a divulgué là. J'essaie de me rappeler. C'est comme Zombieland aussi. On voit le mec au tout début. Ou dans Jurassic Park avec le T-Rex qui bouffe le mec. Oui, voilà, c'est pas voilà. Ah, oui. La mort sur les chiottes, c'est quand même quelque chose de ouais, spécial voilà. C'est au la cinéma. Pire, aussi, dans la cinématique de Zombieland où le mec il dit ne chiez pas dans les chiottes publiques, toi tu vois un zombie qui sort la tête de. Le mec il peut pas sortir, il est coincé. Je crois que c'est pas ne chiez pas dans les chiottes publiques. Je sais plus ce qu'il dit. C'est toujours surveiller ses arrières ou un truc du genre. Truc oui, voilà, c'est une ça. Règle comme ça. D'ailleurs, Zombieland 2 qui est sorti. Tu vas aller voir au ciné? Ouais, il sort le 30. Ouais, il est sorti en Amérique, bien sûr. Ouais. Chez nous, plus tard, évidemment. Voilà. Au CGR, ils font une soirée spéciale, d'ailleurs. Ils repassent le 1. Ah ouais, ouais. Ah ouais. Je vais sûrement y aller. Tu sais quand? Non. Bah, c'est pas grave. Ok, bah, on vous invite à aller voir si Retour vous avez par chez vous. Est-ce qu'il va falloir repayer pour revoir le 1? Sûrement. Ah oui, ils font une soirée spéciale, c'est pas pour... Voilà. Est-ce que, il y aura peut-être un prix spécial, je sais pas. Néanmoins, pour cette série, est-ce que ça vous tenterait de la regarder ou pas? Son of Anarchy. Alors oui, mais il y a tellement de séries à voir. Oui, c'est vrai, je suis d'accord, il y a tellement de choix sur Netflix. Sans doute, Personnellement, moi, en vrai, c'est pas vraiment ce que je regarde. Ouais, c'est pas ton délire. Après, généralement, je suis assez ouvert. Hein, genre, si je vais chez toi, qu'il y a la télé et qu'il y a ça, bah je regarde. T'as pas le choix. Oui, voilà. Ouais, voilà, c'est ça, je regarde ce qui passe. J'ai l'habitude de regarder ce qu'il y a. Paf, j'ai la flemme de changer en vrai. Surtout chez les gens en plus. Ouais. Je change pas trop ce qu'il y a sur la télé. Voilà. Et toi, Antoine, j'imagine que ça te plaît. Bah, à la proche, ouais. Ok. T'as le droit de détester, de regarder quand même. Franchement, j'aime bien. Moi, j'aime bien les... Moi qui compte passer en parmi gros cube après en parmi voiture. Ton gros cube? Ouais. T'aimes jouer au cube? Ouais. Oh, comment? Je joue au cube de Cubor, c'est marrant, tu veux essayer? Oui, ça je connais aussi. Très bon, t'en mets deux dans le bouillon, c'est parfait. T'as un petit coup de poulet. Je passe en parmi moto, mais tu sais, gros cube, gros cylindre. Ok. Bah, ça sera après par les voitures, pour ça je ferme une barre une voiture. Moi, tu sais ce que j'aime? Quoi? Les bains. Les bains? Ouais, non, ça n'a aucun rapport. Non, c'est un rapport avec la musique, par contre, c'est pour ça. Ah, j'essaie de faire une transition. Wow. D'accord, mais j'avais pas de vous avez vu, hein? Moi, je viens de voir la musique, magnifique. C'est pour ça. Ouais, ça s'appelle The Bathroom. Non, attends, voici. The Bathroom Girl. Vous aimez mon anglais, hein? Il est magnifique. Tu peux le redire juste pour le fun. The Bathroom Girl. Voilà. Teddy, Antoine, Jolan et Gaylan, ils sont sur Indestar pour Peck Avenger. Mais j'ai toujours du mal à prononcer Gaylan. Non, c'est bon, tu l'as bien dit. Transition oui, de ouf. Il l'a bien dit, moi, je trouve. On peut débattre là-dessus, mais non, moi, je trouve que c'est pas mal. Je donne un 16. C'est sur 17. 16. Non, je déconne. Voilà. Alors, tout de suite, on va parler de... C'est toi qui vas parler. Moi. Je te pointe du doigt, je suis mal poli. Tu sais qu'on pointe jamais du doigt. Je viens de dire quoi? Je suis mal poli. Parce que c'est mal poli. Et je suis mal poli, donc je te pointe du doigt. Tiens, on te pointe du doigt. Tu sais ce qu'on me disait quand je pointais du doigt? Je sais pas si j'ai envie de savoir. Ça sent la connerie. On dit pointe pas du doigt parce que tu sais jamais où est le trou du cul du dieu. Ah oui. Après, est-ce qu'on peut mettre un... Attends, il y a pas de... Non, il y a pas. Voilà, non, on arrête. L'oublie. Oh l'enfoiré. Il était trop violent. Tu vas plutôt nous parler de ton jeu de téléphone. Non mais ça se fait pas. J'ai l'air ta gueule et parle de ton jeu. Tu pouvais le laisser. Hein. J'ai bien aimé celui-là. Je crois que je le veux dans mon pad. Ce bruit-là, c'est un bruit de J'ai vu de la lumière, le mardi de 21h à 23h, présenté par Clément, qui est une émission de théâtre d'impro. Qui est scénarisé à moitié. Scénarisé à moitié. De l'impro improvisé. Franchement, à écouter parce des que. Bisous. Des bisous, ouais. Des bisous. Et des bisous. C'est une équipe formidable. Oui, surtout que j'en fais partie à moitié. Mais toi, tu comptes pour du beurre, toi. Ouais, ça. Mais d'ailleurs, si tu veux pas que je recommence à te mettre un. Parle-nous de ton jeu. On l'a changé. Oui, t'as de la chance. Ouais, mais on s'en bat les couilles. Ah ouais. Ah, là, ouais. Ça va piquer. Non, tu vas nous présenter un jeu plutôt. Ouais. Oui. Donc c'est Head Ball 2. Head Ball. Oh, Handball. Handball, oui. Head, c'est leur tête. Edward. C'est bon, j'arrête. Where is Edward? In the kitchen, avec Brian. Oui, je sais, mais je vais vous faire un jeu de mots. Enfin, bref. Donc oui, donc c'est Head Ball 2. Ouais. Donc c'est... Bah, comme il dit, bah toi, c'est avec... Tête, balle, faites le rapprochement. Ouais, c'est ça, c'est Tête, balle 2. Et le 2 en plus. J'aime pas jouer au 1. Il doit peut-être ressembler au premier. Si, je crois que j'ai joué au 1, je crois que c'est sur PC. Sérieux? Oui, PC. Je crois. Ça devait être un mini-jeu sur PC alors, parce que si c'est un jeu mobile... Sur PC, t'avais joué sur émulateur ou pas? C'est quoi le concept du jeu? Bah, en fait, t'es tout petit. Ouais. Bah, c'est juste sur téléphone, hein. Le problème, toi, c'est genre un goal à goal. Il va falloir être plus précis là. En gros, toi, c'est gardien contre gardien. D'accord, donc t'as deux joueurs de foot du coup. Voilà. Qui sont minuscules. Non, voilà. Ils ont une grosse tête. Oui, ils ont une grosse tête. Ils ont une grosse tête et un pied. Oui. Pas deux. Voilà. De... Et bras. Et pas de bras, pas de chocolat. Et... Enfin, fallait que je la fasse. Voilà. À me déranger celle-là. Obligé. Toi, le but, en fait, toi, c'est de marquer un but dans le. Dans le... D'accord. Et pour ça, tu fais comment? Bah, en gros, bah, soit tu, toi, tu marques avec la tête, soit avec le pied. Ouais. Tu peux mettre des effets? Oui. Non, tu peux pas mettre des effets. Par contre, t'as des pouvoirs. Bah, c'est nul. Non, d'accord, des pouvoirs. Ouais, ouais, par contre, avec les pouvoirs, c'est trop craqué. Comme Inazuma Eleven. Ah, vous connaissez pas? Ah, c'est, non, c'est un manga de football. C'est assez marrant. Ils font tir du manchot et tu vois des manchots qui apparaissent à côté du ballon. Non, moi, je connais que Olive et Tom. Ouais, moi aussi, je connais que Olive et Tom. Oh, bah, c'est pas mieux, ils font 3 km de. Ouais, 3 km de terrain. Tu sais, regarde, ils ont fait un calcul du terrain de Olive et Tom. Il fait 42 km. Ouais. Oh, ah, la vache. Les calculs statistiques théoriques. En même temps, tu vois courir tout le temps le pauvre bonhomme et il arrive jamais dans le but. Ouais. N'importe quoi. C'était dur à l'époque. Mais bon, là c'est pas le cas pour le coup. T'es... Non, c'est un jeu portable. Ouais, donc bah, toi, tu mets ton portable en mode paysage, j'imagine. Ouais, c'est ça. Puis ouais. Ton terrain fait le mode paysage, quoi. Oui. Et tu joues contre un autre joueur, contre un ordi. Non, contre un autre joueur. En ligne. Oui. D'accord. Un contre un. D'ailleurs, j'ai mis des. T'as mis quoi? Des branlés à Jolène. Des bonbons. J'ai compris, des bonbons. J'ai mis des branlés à Jolène. Ah, des branlés. Ah, tu l'as explosé comme il faut. Je crois que j'ai mis 14 à 3 une fois, un sec. Ça dure combien de temps une manche? Bah ça dépend, tu peux faire soit tu peux. Bah normalement ça dure 90 secondes sur Ouais. Sur quand tu joues en multijoueur, mais si tu t'invites un ami et que tu peux me programmer en fait. Enfin tu peux faire 240 secondes si tu veux. Après, tu D'accord. Ah la vache. Ouais, ça fait quoi? Ça fait. Ouais 4 minutes? Ouais même pas 4 D'accord. minutes. D'accord. Et quand tu gagnes quoi exactement? Bah en fait là t'as un classement. Ouais. Bah à part dans ton clan que t'es. Oui. Et moi je sais que. Bah après toi tu. Par exemple, toi tu gagnes un match, tu gagnes 3 points. Tu fais égalité, tu fais 1 point. Ouais. Et tu perds par ton contre, perds, hein. Tu perds 3 points. Par tu contre, perds tes points. Ce que t'as pas dit, c'est qu'il y a des pouvoirs dans le jeu. Oui, c'est si, ça. Il l'a dit. Ah, tu l'as dit. Ah, autant pour moi, excuse-moi. T'as qu'à écouter. Oui. Non, mais j'écoute, hein, j'écoute. Attends, il a changé pas de scratch. Je veux le scratch. Non, je peux en parler, celui du coup. Bah vas-y, il y en a qui sont super craqués. Est-ce qu'il y en a ils gèlent l'adversaire? Oui, il y en a, ouais, si tu gèles l'adversaire, tu peux geler le but aussi. Pour être marqué. Ah oui, oui, tu gèles ton propre but, comme ça le ballon passe pas. Ouais, d'accord. Est-ce qu'il y en a avec du feu? Oui, t'en as avec un feu, toi t'as le ballon qui devient un feu, puis dès que tu tires, ça fait un bourrin, genre tu peux même pas l'arrêter. D'accord. Ou quasiment pas, moi j'arrive à les arrêter. Ça pousse une tête. Ça t'assomme. Ça assomme l'autre joueur. D'accord. Ouais, tu peux assommer l'autre joueur si t'as le ballon qui se transforme en bombe. Dès que tu le touches, bah, genre si l'adversaire touche le ballon, bah il est out. Voilà. Toi t'as un truc il aussi, peut plus bouger. T'as un truc aussi qui est casse-couille, excusez-moi pour le mot. C'est genre il va lancer un pouvoir et t'as plein de ballons qui vont apparaître. Oui, d'un c'est coup. Le multiball. Si genre tu. Arrête les touches, vas-y. Voilà, et lui il va toutes les bases. J'ai pas de main, t'as oublié, et mec. Tu dis mais où est-ce qu'elle est la balle principale, tu savais jamais la trouver quoi. Waouh. Voilà, il est bien. Et t'as quoi? T'as invisible aussi? Toi t'es invisible. Tu peux mettre le ballon aussi invisible. Le ballon c'est invisible compliqué. Je l'ai pas encore vu ce pouvoir là moi. Ouais je l'ai déjà vu et franchement je l'ai. Bah, ouais mais ça t'handicap aussi non? Non parce que toi tu vois. Ah oui d'accord, il y a que la défense. Ça doit être chaud quand même. Ouais. Tu peux agrandir les buts. Oui ça c'est marrant ça. Rétrécir les buts aussi. D'accord ouais donc il y a pas mal de pouvoirs quand même, c'est drôle. Ouais. Moi la vraie question que je me pose c'est ils ont plein de pouvoirs mais pas le pouvoir d'avoir deux chaussures. Sans déconner. Il y a juste un pied. Il y a juste un pied. Ah d'accord. N'empêche, ça serait marrant. T'imagines le mec s'il a pas sa chaussure, il est pieds nus, il y a un pied sous une tête. C'est complètement ridicule. Ça me ferait kiffer de le voir sans chaussure, le perso. Peut-être qu'il y a un mode pour l'enlever, peut-être un sort. Non, la chaussure nu pied. Ah, je sais pas. Tu peux jouer en tong. Non, tu peux réfléchir. Ça serait drôle. Ce qui est bon, c'est que t'as des skins. Toi, tu peux avoir Le skin tong. Tu peux avoir joué au foot en tong. Alors franchement, ouais. Oh, putain, ouais, je vous confirme. Les pieds. Ouais. Vous avez jamais fait du street foot un peu à l'arrache avec des potes, non? Non, moi je joue pieds nus moi. Bah du street foot parce que c'est dans la rue quoi. Ah, voilà. Okay. Ouais, c'est pas un truc de ouf hein. J'ai souvent joué aux pieds nus moi. Tu joues pieds nus? Bah ça m'arrivait ouais. Oh. Sauf que quand je suis gardien, ça adhère mieux. Ah, je suis pas d'accord. Ça. Parce que moi aussi j'étais gardien, j'ai fait du foot aussi quand j'étais jeune, dans ma jeunesse. Je suis très vieux, je vous laisse deviner mon âge. 45 ans. T'es pas loin. J'étais. Alors, je voulais être gardien. Parce que j'adorais être gardien partout et ils ont pas voulu. Ils m'ont mis défenseur. Pas grand chose quoi. Ouais, ouais, voilà. c'est vrai. Tu te fais chier si tes attaquants et tes défenseurs sont bons en vrai. Attends juste que. Ils étaient pas si bons que ça, j'étais en 5ème div, ça existe même plus la 5ème division maintenant. Ils ont supprimé la 5ème div, maintenant ils sont tous en 4ème div. Et ouais, je pouvais même pas être goal parce qu'ils voulaient pas. J'aimais ça moi. T'étais trop fort, t'étais un peu comme. Ouais, c'est ça, j'étais trop fort, du coup il fallait me mettre ailleurs sinon on gagnait tous nos matchs. Ouais, c'est relou. Oui, voilà, c'est ça. Okay. Moi, c'est mon frère qui m'entraînait à être gardien, moi. Mon grand frère. Ah ouais, ouais, sauf qu'il visait toujours le même endroit. Mais attends. Et c'est pas le bon endroit qu'il faut viser. Hein. T'es pas genre un tout petit peu petit? Oh, je dis ça, je suis pas bien grand. Mais je suis rapide. Croyez-moi. Oh, c'est vraiment pas juste. Non, mais... Référence à Calimero, pour ceux qui connaissent pas. Ouais. Je connais pas ce... Tu connais pas Calimero? C'est pas un chanteur? C'est pas un but. Non, c'est un dessin animé. Tu confonds avec Camaro. Un petit canard avec une coquille sur la tête. Oui, ah, non, c'est Calogero le chanteur. C'est très loin. Ma culture musicale est très très loin elle aussi. Non, bah non, je connais pas du tout en vrai. Bah bravo, d'accord. On va revenir au jeu. Parce que là, si on parle de mes goûts musicaux, ça va pas le faire. Non, mais du coup, tu peux changer de skin, alors j'imagine pas que la chaussure. Non, tu peux changer la chaussure. Ouais, tu peux changer la chaussure, le personnage. Tu peux le modifier, le personnage. Oui, tu peux aussi l'améliorer aussi. D'accord. Donc, genre, tu peux y mettre une mèche jaune, tu sais, comme tout font tous les. Non, c'est pas ça. Genre, quand tu l'améliores, genre, il a des têtes bizarres. Des têtes bizarres. Comme un vrai footballeur. Il est à moitié un robot, donc. C'est quoi la communauté du jeu? Genre française, ouais, anglaise. Non, il y a tout. Il y a tout. Ouais, j'aime jouer contre des Russes alors. Ah oui, d'accord. Même des Suédois. Vas-y, dis-nous, c'est qui les plus forts d'après toi? Ah, ça dépend. C'est qui t'a mis le plus la misère? Si je m'en souviens. C'est pas Jolan apparemment. Ah non. Je crois que c'est. J'ai désinstallé le jeu moi. Je crois que c'est. La rage kit. Oui, oui, c'est ça. En plus, il m'a dit vas-y, j'ai hâte de jouer, ça m'a saoulé trop fort. Ouais, non, mais c'est pas à cause de ça, c'est parce que déjà, il y a un match de pub, c'est horrible. Ah bah genre, ouais, il faut payer, j'imagine. Non, faut pas payer, mais genre, pour recharger les parties, il y avait une pub à chaque fois qui s'affichait, tu vois. Ah ouais, c'est qu'il a rage quitté. Non. J'assume, j'ai pris une branlée. Non, t'en as pas pris qu'une. Oui, non, pour le coup, non. Je te prie deux au départ, tu m'as dit, ouais, c'est bon, ça m'a gagné, j'arrive pas à gagner. Et il a rage quitté, et il a arrêté. C'est quoi ton meilleur match que t'as fait, le meilleur score? Bah, c'est contre Jolan. Tu resteras dans les annales, Jolan. C'est pour ça qu'il y a un rage quit. Je crois que t'as monté à plus de 20 buts, je crois. Oh putain. Si je m'en souviens. T'as pris cher. 20 buts, ouais. Et ton pire match, du coup? C'était contre. Je crois que c'était contre un russe. Ils sont forts, ces russes. Il m'avait mis. Poutine en personne. Surtout aux échecs. Je crois qu'il m'avait mis 11 à 5 ou un truc comme ça. Oh la vache. Ça va, comparé à 20 quelque chose. Alors, ouais. Des fois, c'est quand t'as la connexion qui suit pas. Et... Ouais, c'est vrai, il y a souvent ce paramètre-là, effectivement. Petit bémol dans ce jeu-là, c'est que c'est comme c'est un jeu mobile, et pour devenir plus fort, c'est un pay to win. Ah, tu peux payer. Ça, c'est chiant. Parce que pour monter, on va dire, le niveau, tu peux monter le niveau de puissance de ton joueur ou quelque chose du genre. Tu peux débloquer des trucs, genre tu peux être plus avantageux que certains joueurs et c'est pas comme certains jeux où même tu peux être équilibré même parce que t'as acheté des trucs plus forts. Là, c'est là tu t'évolues au level et puis les autres ils peuvent pas te rattraper. Hein. Si je me rappelle bien, t'avais dit que c'était un système de cartes à collectionner. Ouais, aussi. Ouais, tu collectionnes les têtes des persos et quand t'en as, je sais pas, 20 du même perso, paf, ils montent de niveau, un truc du genre. Oui. C'est ça. Ouais. Donc, du coup, tu peux acheter des cartes, entre guillemets, j'imagine. Oui. Ou un pack de cartes. Ouais, tu peux acheter des packs. Ouais. Ouais. Moi, j'achète pas. Comme les panini. J'aime le panini à l'italienne. Merci! Merci! Fallait que je le fasse. Je sais très bien dire panini. J'ai été mafieux, non? Juste pour les panini. Ok. On va arrêter avec les pas. Et du coup, tu y joues toujours? Ouais, bah je joue un peu moins qu'avant, mais ouais, sinon je joue un petit peu. Ah non, tu joues plus à Pokémon maintenant. Non, même pas. Eh bah, tu devrais. En fait, je dois convertir à Pokémon. Il y a un 5G qui est sorti, ça vaut le coup. Je sais qu'il y a une arène à côté de mon travail, c'est tout ce que je sais. Ah bah, ça, c'est encore mieux ça. Roule. Non, mais c'est à l'opposé de la moto, donc tu vois, je suis obligé de faire un petit détour. Oh le feignant. C'est à 50 mètres de la moto, donc tu vois. Bon, 50 mètres, ça l'a tué. Et je suis vieux. Oh, t'es vieux, t'as 22 ans. Non, 23, pardon. Non, je pense pas que t'es si vieux que ça. Je te rajeunis quand même un peu. Si tu veux, on va parler de vieillesse tout à l'heure. On va parler plutôt de merde. Pardon. De chauve. De chauve précoce. Dans le manga One Punch Man, si tu connais. Oui, le héros, il est chaud. Tu m'as fait regarder. Bah, je t'ai fait regarder. Ouais. Je kiffe mon boulot. Tu reconvertis tout le monde. C'est toi. Ça, j'ai converti des gens. J'attends la saison 2 là. Je suis pire qu'une secte. Elle est déjà sortie. Elle est sortie la saison 2. Ouais, elle est sortie, mais pas en streaming. Ouais, voilà. Elle est sous-titrée, non? Oui. Bah ouais, elle est sous-titrée pour moi. C'est chiant ça. Genre, moi ce que j'aime pas, c'est le sous-titré. Tu peux pas profiter des cinématiques de série. Bah, pour la saison 2, pas vraiment besoin, puisqu'elle est bâclée. Ah, ok. Moi je trouve. Hein. Ouais. Je sais pas. Dans tous les cas, on en parlera tout de suite après. Ouais. Okay. Après... Et on écoute quoi là? Alors, musique, sound, bitter, with you. Bravo. Voilà. Musique, sound, bitter, with you. De Mozambo. Ok. Pas Mozambique. À tout de suite. Ce que j'allais dire. Après la musique, place à l'animation. Les PK Avengers sont sur Indestar jusqu'à 23h minimum. Exactement, j'aurais pas dit mieux. Et d'ailleurs, je peux même rajouter, si vous voulez nous voir en direct, nous avons un live Twitch. Si je me trompe pas, c'est ça. Vous tapez Indestar, j'imagine, et vous tomberez dessus. Il y aura aussi des podcasts de l'émission qui seront sur une vingtaine de sites de podcasts. Voilà, donc vous pouvez pas nous louper. Sinon, vous pouvez venir directement nous voir sur indestar.fr. Nous avons un site magnifique d'ailleurs. Ou vous pouvez aller sur Facebook, @Indestar. Voilà. Puis nous appeler aussi. Ah, nous appeler, oui, effectivement. Si vous avez une suggestion, si vous avez envie de parler d'un manga, si vous avez envie de parler d'un film qui vous a marqué dans votre jeunesse ou même maintenant. Si vous avez un commentaire, si vous voulez dire Antoine, tais-toi. Voilà, vous pouvez nous appeler. Tu peux lui dire tais-toi, Antoine. Voilà, vous pouvez nous appeler au 09 70 40 73 06. Voilà, ça c'était le. Mais c'est pas marrant comme ça, je préfère le commander d'habitude. Hein eh ah oui, d'habitude, on fait 09 70 407 306. Ouais, mais je sais pas, c'est bizarre. Pourquoi? Ouais. Bah, je sais pas là, pourquoi. C'est mieux comme c'est ça. Pas à l'américaine, ça. Non, à l'américaine, ils sont d'abord 3 chiffres, après 3 chiffres, et après t'en as 4. Waouh! C'est spécial, mais du coup, c'est dans quelle version française qu'on met 2 chiffres, 3 chiffres, 3 chiffres? La vieille version des années 80. Ah! Ouais, mais elle est pas si vieille que ça, la radio. Non, on plaisante. Ah, c'est le patron qui est si vieux. Oh, le salaud. Attention, il est à côté de moi. Alors, si vous n'entendez pas Antoine les prochaines fois, genre lundi à 20h30 dans Starter... Il est parti disparu. Voilà, Starter. Vous savez que c'est à cause de... Starter. Starter. Starter. Oui, c'est Starter, pas Starter. Je mets le Starter. Oh, ouais. Ouais, ça le fait classe quand même. Mais non, ça fait débile. Ah ouais. Bah ouais. 3 x 7. C'est pas faux, c'est pas faux. Ok, donc je vais vous parler de One Punch Man, un manga qui a été écrit par le mangaka One. Il a pas de nom. Voilà, fin. One. Ouais, voilà. Pseudo, et j'ai cherché son nom, je l'ai pas trouvé. Il veut pas se dévoiler. C'est ça. Il se cache. Il cache son identité secrète. Parce que c'est une star. Et du coup, il l'a écrit en manga à papier. Et après, il y a un mec qui a participé à l'animation pour. J'arrive pas à mettre ma feuille. Si vous voyez à la caméra, vous voyez que je galère en vrai. C'est magnifique. Oui, ça va mieux. Merci, Gail. Il y a Yusuke Murata qui l'a aidé. Arrête, sale feuille. Non, mais c'est bien là. C'est ouais, bien. Là ça va, c'est pas mal. Ah, la feuille, elle te respecte même pas. One qui a aussi fait. Alors, il a réalisé un autre manga. Je sais pas si vous connaissez, ça s'appelle Mob Psycho 100. Non. Je connais pas. J'ai vu le manga traîner comme ça, j'ai pas regardé. Ça m'a pas tenté spécialement, je dois vous avouer. C'est pas le même concept. On voit que les graphismes sont pareils que dans l'anime de One Punch Man. Mais par contre, l'histoire, ça a pas l'air pareil. Ça a l'air moins drôle. C'est le même développeur ou pas du tout? Aucune idée. Ah, ok. Je sais juste que ça vient du même auteur. Ok. Donc le héros principal de One Punch Man, il s'appelle Saitama. Quelqu'un sait pourquoi? Non. Allez. Mais tu vas nous le dire. Bah ouais, en théorie. Oui, c'est... Ouais. Non, je sais pas. Voilà, enfin. Non, il s'appelle Saitama. Alors c'est une ville au Japon. Et One a grandi dans cette ville. Il est pas né, mais il a grandi dans cette ville et il s'est dit, bah tiens, je vais appeler mon héros Saitama. Il s'est pas fait chier, quoi. Ouais. Franchement, je sais pas l'inspiration. Il avait peut-être pas d'inspiration, j'en ai aucune idée. Mais bon, j'aimais bien cette anecdote. Voilà, c'est, tu sens le mec simple, genre j'ai grandi où, Saitama. Saitama. Ouais, ça sonne bien Saitama. Ouais, on va l'appeler Saitama, comme ça c'est réglé. Alors, dans cette histoire, Saitama, c'est un homme lambda. Un homme lambda, voilà, un ouais. petit bureaucrate, c'est comme ça c'est qu'on ça. Dit. Ouais, voilà, ouais. Il travaille de, c'est un employé de bureau, il avait ouais. une petite valise, un petit costume, il avait des cheveux. Un comptable, son petit attaché case. Ouais, voilà, attaché case. J'adore les attaché case. Ouais. J'aimerais bien en avoir. C'est, d'ailleurs, à Noël, si vous voulez offrir quelque chose à une des stars, offrez des attaché case. Avec de la mayonnaise. Pourquoi de la mayonnaise ? Avec de la mayonnaise. C'est pour Gaylan, la mayonnaise. Moi, je prends l'attaché case. Voilà. Et il se baladait dans la rue, si je me trompe pas, dans le premier épisode. Il était assez déprimé, hein. Il était blasé de la vie, et ouais. là il rencontre une créature homme crabe, on va dire, qui avait des tétons dessinés au crayon. Crayon indélébile. Crayon indélébile. Poitrine. Ça serait pas drôle sinon. Non, ils ont dû se marrer à dessiner une poule. Ce monstre était en train de courser un gosse qui avait un menton fendu comme un cul. Je me rappelle de cette phrase. Allez. Moi aussi, je me rappelle très bien. Et quand vous voyez la tête du gamin, bah ouais, ah oui, franchement, oui, il ressemble oui. vraiment à un cul. Ouais. Ça m'avait c'est marqué d'ailleurs ce passage. Oh, c'est génial. Ouais, ça fait rigoler. Il y a beaucoup d'humour dans ce manga. C'est magnifique. Second degré tout le temps. Quoi. Et du coup, bah c'est le gamin qui avait dessiné des tétons au monstre. Et du coup, le monstre bah, voulait le buter. Hein. Attends, on va pas se leurrer. C'est un peu extrême quand même. Hein, C'est un monstre. C'est un monde avec des monstres. Donc, ils butent les enfants qui dessinent des tétons. Voilà. Ouais. Ne dessinez pas de tétons sur n'importe qui. Voilà. Donc, Saitama, il voit ça et il se dit bon, bah, faudrait peut-être que je le sauve quand même, un minimum. Enfin, voilà. Donc, du coup, un combat va s'entamer. Il va avoir du mal à gagner, mais il va gagner quand même. Voilà. Et c'est là qu'il se dit ah ouais, je pourrais peut-être en faire mon métier. Je pourrais peut-être devenir un héros professionnel. Il a eu un déclic. Ouais. Ouais, c'est ça. Et grosso modo, bah, je pense qu'il a plaqué son autre boulot et. Voilà, il devient un super héros. Ouais, il s'est dit je me fais chier dans mon travail, c'est trop monotone. C'est ça. C'est, bah ouais, en vrai, ça doit être déprimant d'être un bureaucrate. J'en sais rien, mais. Sais pas, je le suis pas donc. Dites-nous pas vos ressentis de bureaucrate. Non. Et Saitama, pendant 3 ans, là, il va s'entraîner. Il va subir un entraînement assez intensif. Ne fais pas ça chez enfin, il va subir. Il y en a qui le font, j'ai vu des youtubeurs. Ouais. Ouais. C'est ça, ils l'ont fait. Alors, pendant 3 mois, par contre, j'ai vu moi le maximum. D'ailleurs, j'ai vu un mec, je suis passé sur ça, la miniature, le mec était chaud. Ouais, pareil. Le mec était chaud. Hein. Alors, je sais pas si. Non, c'est... non, je sais pas. Je pense que c'était pour. Si vous faites l'entraînement, vous perdez vos cheveux, c'est obligatoire. C'était pour la référence, je pense. C'est lui qui l'a inventé ou. De quoi ? L'entraînement qu'il va faire. Ah, bah oui, c'est lui qui l'a. Tu veux le savoir ? Ouais. Vas-y, t'as envie de le suivre ? Alors. Si t'arrives à le faire une journée, c'est bien, je pense. Parce que c'est possible. Tu fais 10 km de course, tu commences voilà, tranquille, 10 ouais, km. Ça va, tranquille, ça va. Sans pompe, sans abdos, sans squat, tous les jours. Ouais, ça. Ça passe, et une journée. Saitama. Voilà, c'est ça. Mm. En une journée, franchement, je trouve que ça le fait. Tu te fais une journée, ça te fait bah, une bonne journée sportive. Ouais. Le faire tous les jours, par contre. Par contre, je viens de faire sans pompe en une journée. Oh bah si c'est faisable. Bah, attends, la fois, t'en fais 5 toutes les 10 minutes. Tout de suite, la dernière fois je vous ai battu. 4 fois 25. C'est ça. Je vous ai battu la dernière fois, tout de suite j'en ai fait 40. Ouais, mais je suis pas d'accord. Je réclame. J'en ai fait 45. Hein. Ouais. Bah, et encore, ça comptait Kamel, là, elle a pas tout compté. Ouais, bah pareil pour Anaïs, elle avait pas tout compté. Elle m'a demandé, t'as fait combien ? Ah, Théo, il avait pas tout compté, hein. J'en ai fait plus que 25 en vrai. Ouais. Il vient de me frapper. À vrai dire, Théo, il avait tellement la pitié qu'elle a rejeté plutôt. Ouais. Pourtant, il devrait être plus fort que pour nous. Moi, c'est plutôt arrêté à 15. Jolan devrait être plus fort que nous parce qu'il marche mieux. Enfin, il marche plus souvent que nous. Hein ? Non, pas mais t'es gueule. Non, bon bref. Donc cet entraînement est assez intense hein, quand même, on va pas se leurrer. Et au bout de 3 ans, bah, il est devenu super fort, invincible voilà. même. Hein. D'où le titre, il terrasse ses ennemis d'un seul coup de poing. Voilà, ouais. Exactement, One Punch Man, un punch. Voilà. Voilà. Et d'ailleurs, par contre, ce qui le frustre un peu. Oui, voilà, oui. Ça va être ça l'intrigue du manga, grosso modo. En fait, il sait pas ce qu'il veut, mec. Il veut devenir un super héros, bah, si. Il a des super pouvoirs. Il sait ce qu'il veut, il veut trouver un adversaire à sa taille maintenant qu'il a une force surhumaine. Ouais. Tout détruire en un coup, franchement. Même... C'est pas drôle. Ah, il a dit, mec, il s'ennuie. Parce que manger du pain sans sel, c'est pas bon. Ou du pain sans beurre, c'est pareil. Mais y a pas de beurre dans le pain. Du pain avec du beurre. Mais tu manges du pain nature, voyons. Bah non. Ouais, je te parie ce que tu veux. Je te sors une baguette qui vient de sortir du four, légèrement tiède et tout. Oui, mais tu la bouffes en entier. Bah ouais. Voilà. Oui, ok. Y a pas de beurre dans le pain. Oubliez cette. Non, pas de beurre. Quand t'es breton, y a du beurre partout. Bah bon, bref. Bah, pas dans le pain. Je sais plus ce que je disais maintenant. Faut pas parler de porte. C'est une hérésie. Pardon. Oui, on c'est Itama, évidemment. Mais c'est Itama, qu'est-ce qu'il disait je sais plus. Pardon. J'étais bon, il va toute une saison avant de voir qui va... Oui, voilà. Il va, devoir oui. affronter. Il va essayer de trouver un adversaire à sa taille, même à la fin. À sa taille Bah, à sa force, on va dire, à son envergure de pouvoir. Enfin, voilà. Et il trouvera jamais, hein, en vrai. Hein. On va... C'est même pas spoiler ni quoi que ce soit. Non. Ça, c'est le concept du manga, il ne trouvera jamais plus fort que lui. Point ouais. Enfin, sait-on jamais. Et pour, comment dire, au bout de ses 3 ans, il est devenu super fort. Il va intégrer ce qu'on appelle une ligue, non ? Oui, c'est ça, c'est la ligue des héros. La ligue voilà, c'est, donc, parce que héros, c'est une profession à temps plein. C'est payé. Dans c'est cet univers. Voilà, dans cet univers, c'est un CDI 35 heures. Avec des congés payés et tout. Et il va la rejoindre. Donc, il y a des tests pour rentrer dans cette fameuse ligue. Magnifique, les tests. Alors, les tests physiques, ouais, pas de problème. Il a explosé tous les scores. Par contre, les tests intellectuels... C'est pas ouf. Non. Ah ouais, il a merdé grave. Il est en de la moyenne. Ouais, il est très mauvais. Hein. Il a fait zéro. Sur la théorie, il a grave merdé, quoi. Ouais, c'est ça. ça lui a valu d'être dans la dernière classe, la classe C. Voilà, ah, et c'est, il y a combien de classes ? 4. Alors, il ouais, y a C, B, A, S. Ouais, okay. Triple S, non ça, non. C'est dans les jeux. Et vraiment, la plus mauvaise, c'est la S. Du coup. C'est la C. Non, la S, c'est les meilleurs. Ils sont 16 dans la S. D'ailleurs, il rencontre un des mecs de la S, enfin de la classe S, qui s'appelle Genas, c'est le cyborg. Ouais, qui est son disciple. Qui devient son disciple. Saitama, pour la petite histoire, il va lui sauver la vie, d'une manière ou d'une autre, contre un gros moustique, si je me rappelle bien. Et il va pas en revenir de la force que Saitama a. Il va vouloir découvrir ce que c'est la source de son pouvoir. Et donc il va décider de l'accompagner en étant son disciple. Alors que le mec il est 10 fois plus fort que lui, tu sais. Bah non, sa classe est... Oui, enfin je veux dire en parlant de sa classe. Hein, oui, voilà, c'est ça. Et c'est un classe S qui se met au service d'un classe C quand même. C'est ça qui est drôle. Ouais, c'est ça. Mais il y a autre chose aussi, parce qu'il n'y a pas que les classes de héros C, B, A, S, il y a aussi la popularité du héros. Oui. C'est un truc assez important, en tout cas Saitama lui il accorde pas mal d'importance, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le discréditent, enfin ils considèrent que c'est un tricheur. C'est un imposteur. Voilà, parce qu'il va affronter des monstres, mais avant qu'il les affronte, il y a d'autres héros qui vont les affronter, genre un que j'aime bien, Roulette Rider. Ouais. Ah, oui. Il est génial, Roulette Rider. Toujours en vélo. Oui, petit vélo, son casque, aucun pouvoir, aucun talent. Voilà, il est juste du un grand cœur. Oui, voilà. Je crois que c'est le premier de la classe C. Je suis pas sûr. Je crois. Mais juste parce qu'il a de la volonté et il a un bon état d'esprit, je crois. D'ailleurs, et... c'est Itama, je crois qu'il lui a. Tu sais, par moi aussi, il lui augmente sa popularité. Tu sais ce qu'il. Il bat un méchant. Ouais. Et ils ont dit que ouais, c'est pas possible qu'il a pu le battre. Et après, il a fait non, c'est les autres qui ont bien. Oui, voilà, c'est ça. Bien l'emmancher. Ça va être à peu près ça à chaque monstre. Les héros d'avant, ils vont se battre, ils vont perdre. D'une manière. Bon, ça dépend lesquels, hein, mais plus ou moins lamentable. Et Saitama va arriver. Paf. Un coup, c'est mort. Ouais. Voilà. Juste une claque. Et du coup, les gens qui ont vu la scène, ils vont dire ah ouais, t'es un tricheur, c'est pas possible, c'est les autres qui l'ont bien amoché, toi, t'avais juste à mettre un coup de poing, c'est bon. Ouais, non, ils ont juste perdu comme des sous-mêtes. C'est violent, mais en vrai, c'est ça. Et ça va lui valoir à chaque fois, sa popularité ne va pas augmenter. Ouais, voilà. Elle va faire que baisser, je crois. Et d'ailleurs, est-ce que dans la saison 2, il s'en sort ou pas de cette popularité ? Eh ben, je sais pas, car figure-toi, je l'ai pas vu encore. Tu l'as pas encore. Elle est sortie, comme on l'a dit, mais je l'ai pas vu encore. Okay. J'ai hâte de la voir. Et ce que t'as pas dit, je sais pas si t'allais y venir, mais le doublage de Saitama, c'est. Ah oui ! Qu'est-ce qui fait que finalement, ça devient plus intéressant ? C'est mythique. Un des trucs les plus intéressants dans le manga, enfin dans l'anime One Punch Man. C'est le doublage de sa voix en français. C'est un rappeur que tout le monde connaît, j'imagine, quasiment, qui s'appelle Orelsan. Alors, personnellement, je suis pas fan de rap. Par contre, je suis fan d'Orelsan. Pas forcément que du rap, c'est R&B. Voilà, pop. C'est ça. Ouais. C'est différent, je trouve, que du rap. Et franchement, sa voix de nonchalance, de désinvolte. Genre, il va parler comme ça, tout ça. Enfin, voilà, tu sens qu'il n'y a pas trop d'énergie dans sa voix. On sent que le rôle était fait pour lui. C'est ça, ça donne au personnage toute une envergure. C'est génial. Ça rend son attitude géniale, en fait. Oui, voilà, comme tu l'as dit, Yann. Ça complète. Le personnage était fait pour Orelsan. Orelsan était fait pour ce personnage, sauf qu'il a des cheveux. Sauf qu'il. Voilà, et qu'il n'est pas super fort. Peut-être que s'il suit l'entraînement, il deviendra Saitama. Peut-être. C'est en jamais. Mais bon, dans tous les cas, ouais, le doublage français Orelsan, ça donne super bien en vrai. Ouais. Et si j'ai bien compris, la dernière fois, tu m'avais dit, le générique de la saison 2, c'est Orelsan qui l'a fait. Oui, il participe à l'opening. Donc on l'entend chanter. Excellent. Ça doit être magnifique à voir. J'ai hâte de voir ça. T'avais une date pour quand il sort en France ou non? Non, c'est que moi j'ai réussi à les avoir et ouais. Je sais pas, j'ai regardé deux épisodes, ça m'a pas. Ouais. Comment t'as été déçu par la saison 2? Non, ouais. Parce que ça a été racheté par une autre boîte de prod. C'est pas les mêmes dessins, c'est du dessin fixe qui bouge pour moi. Ah oui, d'accord. Voilà. Il n'y a plus le même délire que dans la première saison. Je trouve, ouais. Ça a perdu un peu de sa saveur. Merde. Bon, je l'en verra bien parce que j'essaierai de regarder quand même. Je suis arrivé maintenant, j'ai fait chauffe qui peut. Oh, c'est celui-là. Non, c'est pas lui. Ah, c'est celui-là. Pardon. Merci. Pardon, je me suis trompé, mais. Ouais, elle était pas mal. Ouais. Il y a des jeux One Punch Man qui sont sortis. Oui. Alors, je sais pas si vous arrivez à penser comme moi. Un jeu mobile ou... un jeu One Punch Man. Alors, quand on y réfléchit pas trop, on se dit. Comment veux-tu faire un jeu avec un mec qui explose tout en un coup? Ouais. On devient aussi frustré que le personnage. Ça sert à rien. Donc bon, j'y ai réfléchi parce que il est sorti. Faudrait que je le teste en vrai comme ça. Il est sorti sur quelle plateforme? Il est sorti sur téléphone. C'est One Punch Man Road to Hero. Il est sorti. Okay. Il était en cours de développement quand j'ai préparé mes fiches, mais là il est sorti. Moi j'avais émis des hypothèses. Ça m'amuse. Genre, en gros, tu incarnerais un autre héros que tu pourrais créer toi-même, ou alors peut-être un héros qui existe déjà, et t'affronterais les monstres, mais tu vas perdre d'une certaine manière. Enfin, tu perds pas, mais faut que tu tiennes un certain nombre de temps pour que Saitama arrive et paf, l'éclate. Et voilà. Peut-être qu'on pourrait devenir son disciple. Peut-être, oui, c'est ça. Ce serait drôle. Ouais. Moi, je trouve ça suivrait une intrigue, une part de l'histoire un peu. Parce que c'est vrai que faire un jeu One Punch Man. Et il est payant, ça peut. Ils ont du temps. Ah bah, je sais pas, je l'ai pas essayé. Mais on en parlera peut-être dans une autre émission des PK Avengers, évidemment. Ouais. C'est la première, mais c'est pas la dernière. Non, pour le coup. Exactement. Il y a un autre jeu aussi, One Punch Man, qui s'appelle A Hero Nobody Now. Alors, bien traduit, ça doit donner Nobody qui n'est pas là. Personne. Personne n'est là. Ah bah voilà, personne n'est là. Il n'est jamais là parce qu'il est souvent en retard. Voilà. Il a été développé par le même que Dragon Ball Z. Ah, Bandai Namco. Ouais. Ça vous parle? Ouais, ça me parle. C'est un peu un roi. Je suis pas fan de Dragon Ball Z. Ouais, mais. C'est bien, c'est la base. Fan de Dragon Ball Z ou pas, Bandai Namco, c'est un maître dans les jeux de combat. Mm. Ce genre de truc. Enfin, Dragon Ball Z, Naruto, je pense. C'est toujours des Bandai Namco. Voilà. Okay. Donc, toi, je t'ai donné envie de le regarder. Moi, je pense que je vais remater. Regarde. Mais ça fait longtemps. Mais je vais remater la première saison. Puis, en vrai, ça vaut je te redirai ça jeudi prochain. J'attends la saison 2. T'attends la saison 2. Ouais. Il me semble que la première saison est toujours sur Netflix. Oui, c'est vrai. Ah bah, j'irai checker ce soir. Tu vois. Si vous voulez voir la saison 1, vous pouvez aller voir sur Netflix et en streaming la saison 2. Ok. Mais en sous-titré, par contre. Oui. Ah, fichier. Bah, c'est la vie. J'ai horreur du sous-titré. Oh, tu sais ce qui fait chier aussi? Quoi? Non, je déconne. On va se faire engueuler. on va se faire engueuler par Théo. Ah oui, d'accord. Je viens de voir le titre. J'ai compris pourquoi tu n'as pas osé. je rappelle que notre cher Théo est fan d'une chanteuse qui s'appelle Anna Free. Alors, moi ça va, j'aime bien aussi. Fais gaffe, il est à côté. Il est à côté. Voilà, alors, nous sommes très très fans d'Anna Free, évidemment. Et surtout de son titre Don't Forget Me, ne m'oublie pas si je suis bon. Ouais, c'est très bon. Voilà. Et ben voilà, on va écouter d'Anna Free. On aime tous ça. Hein. On est d'accord. Je sais pas, je connais pas. Ce sera l'occasion, tu nous diras. Ok. Et voilà, c'était Anna Free, tout en douceur. Ouais, c'était. Est-ce qu'on aura un jingle? Un jingle? Ah, je sais pas. Est-ce que tu s'appuies sur le bouton, on entend un jingle? Le prod n'a pas de micro, donc. Pas de jingle. Qu'est-ce que pas c'est jingle. Que cette prod? Oh là là là là. Ouais. Oh là là là là. Nous avons pas de jingle, mon dieu. Est-ce une catastrophe? Non, on va s'en sortir? Non. Je sais pas. Je suis pas sûr. Alors, là. C'est la décadence. Ouais, bah, à propos de décadence, j'ai perdu ma. Je sais plus où est-ce qu'on en est. Ah si, c'est à toi, Gaylan. C'est à moi. Tu vas nous présenter un film. Ouais, mais va pas l'oublier. Oh, bah oui. Sinon, je t'oublie. Je suis là quand même. Je suis là. Là, c'est autour de Gaylan qui va nous présenter un film. Je dis le titre. Ah bah oui, vas-y. Le titre. L'aventure intérieure. Yes. Oh, c'est moi, on dirait presque un film érotique. Alors là, oui, on peut avoir des suggestions. Comme tu l'as dit, moi, ça pourrait. L'aventure intérieure. Non, oui, mais tu... Ouais, je sais. C'est... J'ai fait une carrière dans le porno. C'est une autre histoire. Oui, voilà, c'est ça. Il y a clairement. Ça sera raconté dedans. Oh, si tu savais. Non, c'est bon, c'est bon. C'est très surfait, je trouve. Non, je... Parlons de l'aventure intérieure de Gaïman. Oui. Alors là, tout de suite, c'est normal. Mais non. Il y en a qui ont des idées. Mais ouais, ouais, ouais. Sur lui. Antoine, on Piggy a perdu 18. Antoine. Bon, si, bon, je vais donner le titre en VO, ça sera plus simple. Ça s'appelle Inner Space. Ah, ça sonne mieux déjà. Non. Ok. Non, mais tu peux écrire quand même. On a perdu Antoine, c'est pas grave. Mais c'est pas grave. Oui. Enfin, on fera avec. Oh mon dieu. Bon, j'y vais. Ouais, vas-y. Vas-y. Allez, c'est pas grave. Bon, L'aventure intérieure est un film produit par Amblin Entertainment et qui dit Amblin dit Steven Spielberg. Voilà, c'est Steven Spielberg qui le produit. Ouais, donc un géant. Ouais, voilà. Ça doit envoyer du lourd un minimum. Qu'il a participé à la réécriture du scénario. Mm-hmm. Voilà, donc c'est Joe Dante qui le réalise. C'est un film qui sort en 1987. Et donc Joe Dante, pour vous situer un peu, il a fait les Gremlins. Ah oui. Il ah a réalisé oui, les c'est Gremlins. C'est bien ça, par contre. Ah bah, voilà, c'est toujours, bon, c'est toujours avec Steven Spielberg. D'accord. Donc, nous avons dans ce joli film des acteurs tels que Dennis Quaid, voilà, qui récemment qui a joué dans Mes vies de chien, qui est un très beau film aussi. Mm-hmm. Voilà. On a Martin Short, ouais, qui est Pierre Richard, mais américain. Qui est l'équivalent de Pierre Richard américain. Je vais te poser la question interdite. Ouais. Qui est Pierre Richard? Ah oui. Un grand comédien français. Sérieux? Oui. Il joue pas mal de films avec Depardieu. T'as une idée? Enfin, ouais, tu connais un film où est-ce qu'il a joué que je pourrais me mettre une tête? La chèvre. Ouais. C'est bon. C'est vraiment un titre de film. Où tu peux regarder Les Compères. Voilà. D'accord. Et sinon, pour accompagner ces deux acteurs, nous avons la magnifique Meg Ryan. Meg Ryan. Non, Meg Ryan. On a aussi une Meg, enfin une Meg, une Megan magnifique. Mais voilà. c'est pas la même. Donc, je vous lire le synopsis quand même, ce que raconte le film. S'il vous plaît. Oui, alors voilà. Alors, très porté sur les jolies femmes et l'alcool, le lieutenant Tuck Pendleton. Je l'avais dit, film érotique. Non. Je déconne. Donc. Le lieutenant Tuck Pendleton a mauvaise réputation au sein de l'armée. Et pour se racheter, il se porte volontaire pour une expérience scientifique. Captain America. Voilà. Mais pas là. Il va devoir être... Il va être miniaturisé avec un submersible. Donc c'est un sous-marin, vaisseau. Quoi. Voilà, c'est un sous-marin poche. Alors c'est le Titanic. Voilà. Et il va être injecté dans le corps d'un lapin. What? Ouais. C'est ça l'aventure intérieure. Afin d'étudier le comportement et la perception du monde. Voilà. Donc, dans un lapin. Il a étudié l'anatomie du lapin, mais vraiment. Voilà. D'accord. Mais voilà, sauf que suite à un malheureux concours de circonstances, Tuck et son vaisseau sont injectés dans la fesse de Jack Putter. Donc c'est ils se sont trompés de gens à piquer. Un hypocondriaque, ils se sont trompés parce qu'en fait t'as une entreprise à côté qui sont les vilains, ouais, qui veulent récupérer le produit ou qui l'ont déjà et peuvent faire l'inverse, c'est-à-dire au lieu de miniaturiser, ils peuvent grossir. Voilà. D'accord. Voilà. Et il va devoir convaincre Jack Putter de le sortir de là. Donc voilà, c'est ça en gros. Ah ouais, c'est l'histoire du film. L'histoire du film. Et donc il va réussir à communiquer avec. Oui, ce qu'il fait pour communiquer, c'est qu'il va se connecter aux oreilles et il va planter une espèce d'aiguille chaude dans l'œil, à l'intérieur. Voilà. Donc ce qui est marrant, c'est que on a pas mal de running gag avec Martin Short. Voilà. Et pour le coup, il y a moyen de faire. Voilà, c'est. Ça a l'air chelou. Ça a l'air vachement amusant. Ça a l'air chelou comme scénario. C'est un film plutôt comique pour le coup. Oui, c'est très SF comique. Ouais, tu vois Martin Short, ouais, c'est très comique. J'arrive pas à voir. Il est trop short dans ma tête. C'est un film qui dure combien de temps? Pas loin de 2 heures, il me semble. Ah oui. J'ai pas regardé. Ah, c'est raisonnable. Tu trouves ça sur quoi comme site? De quoi? Hein? Le film là, tu trouves sur quoi? Il est sur Netflix ou quoi? Où est-ce que tu l'as vu? C'est ça que tu veux dire? Voilà. Ah, moi je l'ai pris en Blu-ray. Voilà. Ah ouais. Ouais, parce que je regarde pas mal les films avec maintenant les commentaires audio, donc c'est, c'est plutôt vieux. Mais ça, sinon, c'est ton côté cinéma. Ouais, tu peux le trouver en streaming ou en téléchargement facilement. C'est tu mal. Trouveras pas sur Netflix, si c'est ça la vraie question. C'est mal. Il n'y a pas beaucoup de films d'auteur sur Netflix. Enfin, moi, ce que j'appelle les films d'auteur. En tout cas, sur c'est plus des films indés de découverte, on va dire, de petits réalisateurs. T'as pas de vieux film dessus? Non. T'en as pas beaucoup, parce que j'imagine que les droits de visionnage sont assez élevés. Si on appelle ça comme ça, je sais pas. Mais ça doit coûter cher. Peut-être qu'ils ont un quota aussi à respecter. Ah, mais tu sais, je suis sûr, ils mettraient ça change. Le catalogue, il est pas fixe. Ouais. Le temps qu'en fait, ils rachètent un film sur une certaine durée. Ils ont les droits. D'accord. Ouais, je suis sûr que Netflix, ils rachèteraient des vieux films, je suis sûr ils attireraient trop de monde. Netflix, c'est déjà un géant en soi. Hein. Ouais, il y a déjà d'autres plateformes de streaming qui ont... Amazon Prime qui ont des... Non, des sites de streaming français qui ont plein de vieux films. Ah oui, qui ont tout. D'accord, oui. Voilà. Il n'y a pas que Netflix dans la vie. Non. Ouais, après, je suis sur les streaming. Hein. Oui. Non, mais il y a d'autres sites que Netflix. Ouais. Moi, je connais le Amazon Prime parce qu'ils ils se sont mis à faire des trucs... Oh, je trouve que ça ressemble un peu à Netflix en vrai. C'est aussi des séries indées. Tu retrouves pas mal de ce qu'il y a sur Netflix sur Amazon. Je sais pas. Je sais pas si c'est cher. Je sais pas ma qui paye. Comme Netflix, je sais pas si c'est cher. Le film, tu le catégoriserais comment? Genre plus humoristique Ça mélange comédie et science-fiction. Ouais, ok. Voilà, comme j'avais pu parler la semaine dernière pour Bukaro Banzai. Ouais. Que finir dans un lapin, c'est sûr que c'est un peu de la science-fiction. Ouais, quand même. Ouais. Déjà le fait qu'il va être miniaturisé. C'est un peu bizarre. Hein. Mais ça fait penser donc, à Chéri, soit au personnage de Tuck Pendleton, qui est le beau gosse irrésistible, mais qui a des défauts. Ça, c'est moi. Alcoolique. Mais non, t'es dit, ne dis pas ça. Ah mince. Soit à Jack Putter, l'homme qu'on croise mais qu'on ne remarque pas. D'accord. Voilà. Et ce film permet à Jack Putter de devenir un héros. Voilà. Et d'avoir plus confiance en lui. C'est pour ça que j'aime bien ce film. Ouais. D'accord. Ah, ça a l'air sympa comme film. Voilà. Ouais, franchement, en soirée en famille, je pense, on va se regarder un film. Ouais. Soirée cinéma, c'est un bon film. On passe un bon moment devant. Ouais. Et j'aimerais parler aussi de la musique de ce film. Ah bah vas-y. Qui a été composé par Jerry Goldsmith. Qui n'est pas un nom très connu de la musique, on pourrait penser. Tu m'aurais dit Jacques. Non, pas Jacques Chirac quand même, mais. Tu m'aurais dit Simon Veil, c'est pas un nom très connu de la musique, ça aurait été pareil. Non, non, mais on pourrait penser à Hans Zimmer ou John Williams. Mais c'est quand même un grand de la musique qui a pu composer notamment pour les films Star Trek. Ah oui. Ah ouais, effectivement. Pour Small Soldiers, qui est un film pas très connu aussi, je pourrais peut-être en parler dans une prochaine émission. C'est possible. Small Soldiers. Petit soldat. Voilà, donc il a fait les. Musique pour les Gremlins, Rambo, Alien. Il est badass quand même. Et Jonathan. Ouais. Okay. Il a fait des musiques assez. Sacré palmarès. C'est comment t'as dit le nom du. Jerry Goldsmith. Jerry Goldsmith, ok. Voilà. Je prends note. Okay, tu vas vraiment retirer l'éclair non, mais je veux dire pour aller réécouter genre les musiques et tout. Pour faire le. Ah, il y a des musiques de films, les bandes originales, c'est ça quand même. C'est ça, les BO. Les BO qui sont assez bien. On pourrait parler de celle de Whitney Houston. J'aime bien la musique, mais j'aime pas le film. Survive. Oui, voilà. Ouais. Il y en a plein, des BO comme ça, qui sont devenus légendaires. Donc, Je pensais à ça. Il y a eu des critiques pour ce film, des bonnes ou mauvaises critiques. C'est toujours coupé en deux. Enfin, généralement, la presse, ils en pensaient quoi, genre, de ce film-là? C'était plutôt bon, je pense, parce que voilà, c'est Spielberg. Donc, C'est rare qu'on ait des mauvaises critiques. Hein. Ouais. Il y en a. C'est vrai que c'est le boss. Il y aura toujours des gens qui vont pas aimer. Ça s'appelle le boss du boss, Spielberg. Non, pour tous les goûts. C'est un acteur. D'accord. Mais c'est un peu le genre de film qui devient culte des années après. Oui, comme beaucoup de films. Voilà. Enfin, des films assez vieux maintenant, qui maintenant reviennent. Voilà, c'est ça. On est content d'ailleurs parce que ça nous refait découvrir une époque que nous on n'a pas connue. Oui, en gros, on a l'impression de redécouvrir un truc en fait. Mais non, c'est pour ça que je vais souvent parler de films de pop culture pour cette émission. Qui est là notre spécialiste dans rétro. Parce qu'il y a toute une chaîne. Je vais arriver à la fin de l'émission. Je parlerai d'un gros film. Ouais. Voilà, qui réunit tout ça. Okay. Un gros film qui réunit plusieurs films. Qui réunit la pop culture. Ah, en général. D'accord. Ouais. D'accord, voilà. C'est pas Ready Player One. Moi, j'aime bien ça. C'est pas grave, tu pourras me dire quel terme devine. Ready Player One, c'est un film qui est sorti. Si tu l'as pas vu, regarde-le. Franchement, ça me dit quelque chose. Mais c'est normal. C'est génial. C'est génial. C'est génial. Ça réunit pop culture, jeux vidéo, musique. C'est ça. C'est full référence à tout. Ouais. Et Bucaro avec... Banzai, au moment où il nous apparaît. Voilà. Et il apparaît, il y a Doom, il y a Call of, il y a. Il se déguise à un moment, je crois, en. Bucaro Banzai, ouais, pour une soirée. Oui, c'est ça, c'est ce que vous avez expliqué, Gaïlan, la semaine dernière. Ouais, franchement, ça vaut beaucoup. En gros, c'est le concept, c'est un garçon. Enfin, le monde, en gros, ils vivent tous avec des lunettes de VR. Mmh. Ils vivent quasiment que de ça. Ouais. Ils gagnent de l'argent grâce à ça, c'est leur mode de vie. Ils oublient un peu leur vie qui est misérable quand même. Ouais, voilà, ça. Parce que voilà, ils sont en 2045, ils vont à l'école comme ça, ils vivent tout le temps comme ça. C'est ça. Ouais, puis je crois que c'est pas un truc qu'ils doivent trouver un œuf, je sais pas. C'est quoi. Ça. Si, c'est ça, les easter eggs. Ah, bah, franchement, j'ai regardé la bande annonce. Vraiment, ça m'a pas. Attirer. Ah non, ouais, bah regarde-le quand même, point barre. Ouais. Franchement, tu viens plus si tu regardes. T'es viré si tu regardes. Non, franchement, c'est un très bon film à regarder. Il y a une énigme, c'est bourré de références. Puis ça va te plaire, c'est dans un univers de jeux vidéo. Ouais, je sais, mais tu sais, je sais pas si j'ai regardé l'abondance comme ça, mais l'abondance, franchement, elle m'avait pas attiré. Je crois que je vais le frapper. Alors, bon, voilà, non, franchement, cas, ça vaut le coup. On en parlera tout à l'heure. Je vous aurais donné envie de regarder l'aventure intérieure. Ouais, franchement, je vais regarder, j'aurais bien. C'est un bon film à regarder, un peu en famille, par exemple. Oui. Ouais, je pense que c'est un bon film. Oui, parce que moi, j'ai voulu te couper la parole. D'accord, oui, non, mais vas-y. De toute façon, Spielberg, c'est la base. Donc, je pense que je vais regarder. Franchement. Voilà, intervention nulle, mais. Voilà, merci Jolan. Mais du coup, peut-être intervention nulle, mais tu vas nous mettre une musique bien. Ouais, on écoute quoi? On va écouter Stolen Dance. Alors, c'est une reprise de Milky Chains. Ouais. Alors là, la reprise a été faite par Co-op. C-O-U-P. Voilà. Ok, d'accord. Mais détaché. Paye ton titre. Co-up. Paye ton titre. A tout de suite sur Indestar. Ils sont 1, 2, 3, 4. Eux, ce sont les Peck Avengers. Et ils sont sur Indestar jusqu'à au moins 23h. Exactement, vous êtes en forme? Ouais. Kawabunga. Ah bah Kawabunga, pas de problème. Je suis Raffaello. Mais t'es un ninja. Ah d'accord. Toi t'es Mikey. Antoine. Oui, c'est pas lui qui fait que de bouffer? Le rigolo. Ouais, mais qui c'est Amélie? Ils mangent tous des pizzas de toute façon. Oui, mais il y en a qui mangent plus que d'autres, tu sais, il y en a qui fait. Je sais pas. C'est pas Angelo, comment ça? Angelo? Après, j'ai vu le film, moi. Donc, c'est pas Angelo. Il n'y a pas d'Angelo. Il y a Raffaello, Leonardo, ah, vous parlez Mikey de et Donatello. Ouais, ouais, bah, ah, Donatello, je crois que c'est Donatello. Que Donatello, c'est l'Intello. Ah, bah, il y en a qui fait que de bouffer, je m'en rappelle plus. Tous non, mais, j'ai vu le film. Trop... Ouais, moi aussi. Je sais qu'il y en a qui faisaient que de ça. Je sais plus. Ouais, ils mangent tous des pizzas. De toute façon. On va pas se leurrer. Là, c'est la pizza au mille fromages, je crois. Enfin, dans un des films, il y a ça. Mais... Voilà. Ah oui. Donc là, tout de suite, maintenant, on va pas vous parler des Tortues Ninja. C'était avec Megan Fox en plus. Actrice. Ouais. Bucky Stem. Je sais pas qui c'est. Celle qui joue dans Transformers. Ouais, il me semble. Ouais, mais je connais pas non plus Transformers. Ah, elle est pas mal. J'ai déjà vu, mais je me rappelle pas cette. Mais si, c'est. Elle est bien, quoi. Elle est... T'es en train de me mimer ça sur un poteau de. Enfin, sur un pied de micro. Elle ressemble bien à un pied de micro. Paul Dance. Ah, Megan Fox. Paul Dance. Paul Dance. Ah, oui. Paul Dance. Sur des. J'aimerais bien l'avoir en Paul Dance, par contre. Oh. Ah, si. Mon dieu. Ah si, Megan oui, Fox. Non, mais, oui, non, mais c'est pas culture, c'est pas une émission de Higgs, c'est quand même. C'est pas du Higgs, c'est Paul Dance. Bah, charme, burlesque. Je sais pas pourquoi c'est dans quelle ça catégorie. Ça rentre pas dans la catégorie pop culture. Ouais, mais ça fait partie de la culture. Culture peut-être, encore. Pop moi, mais culture, oui. Et du coup, on est sur quelle radio? On est là jusqu'à quelle heure? Parce qu'en fait, on l'a pas fait. Tu l'as dit? Je l'ai pas dit là tout à l'heure, mais oui, on est toujours sur Indestar avec vos PK Avengers préférés. Comme l'a dit notre jingle Théo, nous sommes quatre. Nous avons Antoine, nous avons Gaïlan, nous avons Jolan et nous avons Teddy. Les quatre mousquetaires. Ouais. Exactement, les quatre mousquetaires. Et il est une certaine heure, il est 22h25. je regardais l'heure avant de le dire. Voilà. Voilà. Et puis on est là jusqu'à 23h. Exactement. Yes. Et pour ça, bah, je vais combler les trous. Je vais vous parler d'un jeu. Encore un jeu. Encore un jeu. Encore. On va parler beaucoup Shifumi. De jeux. Shifumi. C'est ça le jeu. Ah ouais, alors Shifumi, il y a une stratégie pour jamais. Non, ça. Oh, quoique c'est prouvé, mais c'est. Enfin. Tu peux inciter l'autre à perdre. Oui. Ouais, bon, c'est de la suggestion c'est mentale. Comme, c'est comme le pile ou face. Tu peux. C'est que du hasard. Tu peux avoir une technique pour gagner, genre. Oui, bah si t'arrives à faire exactement la même force, le même mouvement en fait, ouais. T'arrives sinon, toujours sur le même pas. pile je gagne, face tu perds. Exactement, cette formule-là, je l'ai souvent utilisée. Ouais. Mon prof de maths au collège. Bah, tu as vu le film le Batman Black. Comment il s'appelle The Dark Knight. The Dark Knight. Avec pile ou face. Le mec, ouais, il. Harvey. Harvey Dent. Harvey Dent. Voilà, la loi Harvey Dent. Voilà. Je voulais faire une petite référence pour le pile ou face de. Allez, ça fait toujours de la référence pop culture, c'est toujours mieux que Durex. Batman, je l'ai jamais vu. Ah ouais, je suis Batman. Tu les as jamais vu. J'avais envie de faire un Je suis Batman. Honte à toi. Ouais, franchement, tu devrais sortir de ça. Non, mais les Dark Knight, ils sont au lieu de travailler. Là. Parce que là, on pourra parler, je pense, à la. Oh, on pourra parler maintenant aussi. Il y a le Joker qui est sorti. Ouais, je pense que c'est plus un secret pour personne. Faut que je le vois, lui. Ouais, faut franchement, le il oui, est. Allez le voir, je vous conseille. Tu veux pas citer aussi un Harley Quinn pendant un moment. Ouais, j'étais le voir mercredi dernier. Je sais qu'ils vont sortir une série Harley Quinn. Une série à la Queen, je crois que c'est possible. Oui, si, si, ils en sortent une, mais je crois qu'il devait faire un film avec le Joker et Harley Quinn. C'est possible aussi. C'est possible. Et tout est possible en vrai, sur les films de super-héros. On va en parler d'ailleurs tout à l'heure dans les actus. Super-héros, je suis pas sûr. Comment ça ? Super méchant, oui. C'est pas déçu. Ouais, voilà, oui, voilà, super méchant en plus. Ouais. Oui, oui, c'est vrai, c'est plus. Oui, c'est l'anti-héros. Oui, c'est vrai. On en parlera à la fin dans la partie actus. Ouais, ouais. Ok. J'en ai aussi à dire là-dessus. Mais là, tout de suite, je vais vous parler d'un jeu que moi, j'adore, qui s'appelle Subnautica. Alors, je sais pas si vous connaissez. Maintenant, oui. Oui. Voilà. Mais enfin, on commence à connaître. Hein. Oui, oui, à force, oui, c'est vrai. Avec les répètes, j'ai pas changé de jeu. Alors, faut que tu je te rassure, moi non plus. J'adore ce jeu, en vrai. C'est un jeu... Alors, moi, j'y joue sur Xbox One. Il existe aussi sur PC et sur PS4. C'est un jeu de survie. Ouais. Tout simplement, qui a été réalisé par Unknown World, c'est un studio indépendant de San Francisco. Bon, c'est américain. Ils font assez bons jeux, il me semble. À San Francisco. Oui, ils ont fait les jeux Half-Life. Ouais, ah bah voilà. Ça, oui. Donc, effectivement. Bien. Ils ont. Ça me dit quelque chose, ça. Ils sont assez connus. Half-Life, ouais, c'est un jeu assez connu. Ça me parle aussi. Hein. T'as un mode histoire et puis t'as un mode multijoueur où tu te promènes dans une base et t'essayes de tuer l'autre. Oui, voilà, c'est ça. Voilà. Ça, c'est génial. J'adorais. D'ailleurs, à ce propos, il y a des petites références qui font. Enfin, dans Subnautica, il y a des références au jeu Half-Life. Genre, il y a un moment, il y a des rampants des cavernes qui, dans Subnautica. Ça fait référence au crabe. Au crabe qu'il y a dans Half-Life, apparemment. D'accord, ouais. Voilà, donc il y a ce petit truc là. Puis il y a un canon normalement aussi, un canon répulsion-propulsion. Alors ça c'est dans Subnautica. Dans Half-Life, il y a un pistolet anti-gravité. Normalement. Un pistolet anti-gravité, oui. Si je me trompe pas. Par contre. Et du coup, ouais, ils ont fait le. C'est le même. C'est pour faire une petite anecdote, un petit clin d'œil. Ah, c'est sympa. Ouais, c'est vrai. C'est ça. Dans Subnautica, tu incarnes un mec qui s'appelle Riley Robinson. Comme le mec de Pacific Rim. Exactement, tout est lié. T'étais à bord d'un vaisseau qui s'appelle l'Aurora. Tu te baladais dans la galaxie, voilà. Tranquillement. Oui, voilà, c'est ça. Tu faisais ton boulot. T'étais poseur de portails interstellaires. Alors, ça doit pas s'appeler comme ça, évidemment. Mais voilà, tu comptais construire un portail pour faciliter les. Merde, comment on appelle ça ? Les voyages interstellaires, quoi. Mmh. Et en fait, bah non. Vous êtes crashé sur une planète qui est totalement océanique. Qui s'appelle 4546B. Ouais, on donne pas de nom aux planètes, hein. Vous y avez cru. Dommage. Non, ouais. Peut-être que le personnage lui donne un nom. Tu peux lui donner le nom que tu veux, en vrai. Christelle. Souvenir. Cristalline. Pour... Ouais, ça coule le sang. Cristalline. Ouais, t'atterris sur Cristalline. Un vaisseau entièrement océanique, pour le coup. Un vaisseau. Une planète. Vas-y, est-ce que je peux... Non, je peux pas me faire un truc. Voilà, une planète entièrement océanique. Et le but, ça va être de survivre et de récolter des matériaux pour pouvoir t'enfuir de cette planète. Car tu vas y rester bloqué un petit moment. Pour s'enfuir de cette planète, tu décides de construire une fusée. Mmh. Pour construire cette fusée, il va te falloir des matériaux assez rares. À trouver. Oui, voilà, à trouver, effectivement. Et pour les trouver, il faudra que tu ailles très très profond au fond de la mer. Parce que le jeu se... T'as des îles, t'as deux îles, ouais, voilà. Ouais. Mais tu passes pas beaucoup de temps dans le jeu dessus, tu passes vraiment très très peu. Tout le reste du temps, tu vas le passer dans l'eau. Le personnage, il a une bonne combinaison Oui, oui, oui. Alors c'est un peu futuriste, ouais. Des vaisseaux. Voilà. Pour le coup, ouais. Il a, quand le vaisseau il se crash, alors déjà, t'es le seul survivant. On va pas se leurrer. Parce qu'il y avait d'autres passagers avec lui. Il y avait d'autres passagers. C'était un énorme vaisseau, pour vous donner une idée, c'est un croiseur interstellaire de Star Wars, quoi. Ah, grosso modo. Ouais, c'est assez énorme. Ouais, c'est une capsule de sauvetage qui a réussi. Ouais, voilà, lui il a atterri dans une capsule de sauvetage. Il a atterri pas loin du vaisseau, je dirais à 2-3 km, grosso modo. Ah, la nage, ça fait une petite trotte. Ouais. Oui, quand même. Oui. Si mais bon, il se fatigue pas, lui, donc ça part. Y a pas de fatigue. Par contre, t'as une jauge de nourriture, t'as une jauge d'eau, et t'as une jauge d'oxygène. C'est, ah, c'est la survie au point fort. Genre tu... Oui, oui, la voilà. La moindre erreur. Après, t'as même le mode hardcore où que t'as qu'une vie, et voilà, t'as qu'une vie. Tu recommences le jeu à zéro si tu meurs. Ah oui, ah oui. Ouais, Minecraft, il y avait la même chose sur Minecraft. Le mode hardcore, mort subite, je crois. Ouais. Ah, survie. Alors, mode survie, c'est pas. T'as, sur le dernier truc qui a été fait, t'as créatif, survie et hardcore. Et hardcore, ça revient à la même chose. Dès que tu meurs, c'est bon, t'es mort, quoi. Faut que tu recommences. On rappelle pas, mais bon, dans Minecraft, tu meurs souvent de toute façon. Oui. Et tu recommences quoi qu'il arrive, parce que tu respawn. Si t'as pas de lit, tu respawns toujours à l'endroit. Non, mais c'est très chiant. Une fois que t'es mort, c'est foutu. Je dois recommencer. Pas obligé de relancer. Bah, je savais pas. Il y a des nouvelles mises à jour sur Minecraft très souvent. Tu dormiras moins qu'on se sort. Ah ouais. Ah ouais, c'est comme ça. Fais attention quand tu vas sortir. Bon. Revenons à Subnautica. Moi, je cours pour rentrer après. Dans Subnautica, alors évidemment, faut que tu trouves ta nourriture. Tu vas manger des petits poissons. Pas les gros, parce que c'est eux qui vont te bouffer. C'est ça la loi de la nature. Les lois de la nature. Et ce jeu est très bien pensé pour ça, parce que. Grosso modo, t'as des créatures sauvages, évidemment. Tu n'as pas d'armes. Tu peux pas les affronter. Tu vois, dans les jeux classiques, on va dire, tu peux affronter des monstres, tu te bats. Ça peut être difficile, ça peut être des combats difficiles. Mais là, non. C'est pas des combats, c'est... Tu meurs. Tu peux te fabriquer des armes ? Non. Non plus. Tu peux rien fabriquer. Si, un petit couteau. Ah, c'est magique. Quand tu vois un gros Léviathan qui se ramène... Tu peux tuer quelqu'un avec dans ça. Dans un monde futuriste, les couteaux... Ouais, c'est ça. J'avoue, c'est plus... Ah, il t'aurait donné un pistolet laser, j'aurais mais compris. Mais ils y ont pensé. Dans l'intro, ils te disent « Oui, vous avez débloqué les éléments de survie de base pour survivre dans cet environnement hostile avec les ressources que vous avez actuellement disponibles sur la planète. » Ils vont lancer un scan de la planète, genre voilà. Et tu pourras pas faire d'équipement de combat ou genre de trucs. Car tu te combattras pas contre des monstres. Voilà, ta gueule, c'est magique. c'est tellement ça. Mais c'est vrai que voilà, t'as un petit couteau, il va te servir à tuer les petits poissons. Juste manger. À bouffer. Quoi, c'est bon. Ça. Et tu peux même améliorer ton petit couteau à un moment et le faire un couteau à chaleur. J'aurais produit la chaleur quand tu achètes. Non, même pas. Il est toujours de la même taille, mais il produit la chaleur. Du coup, quand tu tues un poisson, c'est un poisson grillé dans l'eau. Excellent. c'est magique. Hein. Oui. Non, c'était toi, c'est magique. Oui, c'est ça. C'est pas cohérent leur truc. Un poisson grillé dans l'eau. Ouf, je trouve ça drôle en vrai, puis c'est plus c'est pratique. Faut pas chercher. Tu peux même pas te faire une lance. Hein ? Tu peux même pas te faire une lance. Non. Oh, c'est grave. Ouais, c'est des radins, hein ? Même pas. Tu peux rien faire. Tu peux manger des algues, tu peux manger des poissons, mais tu peux pas faire de lance. Tu peux construire des vaisseaux. Tu peux. Ouais, bah oui, c'est ça qui est. Des sous-marins, tu peux construire. T'as le sous-marin qui s'appelle Cyclope, si je me trompe pas. Ouais. Tu pilotes tout seul déjà. Ils ont inventé un mode pour piloter un sous-marin tout seul et franchement c'est génial. Ça donne super bien. Par contre c'est super lent. Alors les Léviathans, ils te bouffent. Et tu peux pas utiliser de torpille. C'est les la boss. Base du truc. Genre les Léviathans, c'est les boss du jeu quand même, non ? Bah c'est les plus gros monstres. Quand on dit Léviathan, on imagine tout de suite un gros truc. Et ouais, c'est assez gros, c'est assez balèze. Ils te détruisent. Point barre. Au tout début, tu vois, tu peux construire des petits vaisseaux. Tout petit, et toi tu te balades, voilà, t'es content, tu fais attention à ce que tu vois en face. Puis là, à un moment, tu vois des griffes ou des dents qui apparaissent sur ton écran par en dessous et par au-dessus. Oh, en fait, il vient de te faire mordre par un Léviathan par derrière. Il est en train de bouffer ton vaisseau parce que pour lui, c'est un casse-croûte. Alors, soit t'as de la chance, il faut deux ou trois coups pour le péter, soit t'as pas de bol, il le pète en un coup, t'es mort. T'as pas ton couteau. Voilà, t'as pas ton couteau, t'es mort. Ouais, t'es mort. Par contre, il y a un truc qui est pas mal, c'est que tu nages plus vite qu'eux. Ah, ta gueule, c'est magique. Bah ça, pourquoi ? pour fuir un peu le combat. Non ? Bah ouais, parce que sinon, tu peux pas les affronter. Ouais. Faut bien quelque chose pour se défendre. Ouais. Donc, à part fuir, les éviter, tu peux pas faire grand chose. Il y a plein de jeux comme ça, hein, genre où tu peux pas tuer les monstres et tout. C'est ça. Mais moi, je trouve que ça donne une dimension assez réaliste au final. Parce que, imaginons, t'es dans la mer. Alors, imaginons, t'arrives à respirer sous l'eau. Voilà. Tu rencontres une baleine ou un cachalot. Ouais, tu vas pas t'amuser à le buter. Hein, Non. Un orque non plus, tu vas pas t'amuser à faire. Ouais, lance, allez, vas-y. Viens, je vais te tuer. C'est ça. Avec tes petits couteaux. Ouais. Ridicule, mais d'une force. Oui, quand tu essaies de t'imaginer le truc, c'est vrai que c'est un peu ridicule. C'est ça. Même les requins de base, hein, tu vas pas t'amuser à affronter un requin. Oh, un requin blanc, je vais aller le tuer avec mon couteau. Attention, j'ai la croûte en chaleur. Ça donne une dimension assez réelle. Genre, le couteau, il fait la taille de la dent, mais j'ai été grillé. C'est ça, mais c'est ça en plus. Et ça, mais ça donne une dimension assez réaliste en soi, de, comme quoi toi t'es infiniment petit dans cet univers, tu dois pas avoir trop d'impact. Ils vont te buter de toute façon, donc ouais. D'une manière ou d'une autre, tu restes dans ton coin, sinon voilà. Mais le but c'est quand même que t'avances et que tu trouves des matériaux de plus en plus rares, jusqu'à des 2000 mètres de profondeur. Alors ça peut faire angoissant, je pense, pour certaines personnes qui ont peur du noir, qui ont peur des endroits où il n'y a rien. Le vide. Ouais, voilà. C'est ça. T'as accès à toute la map C'est une très très grande map. Mmh. C'est pas toute la planète. Pas toute la planète. Par contre, t'auras accès à une autre partie de la planète dans le 2. Ah, ils ont prévu un 2. Ah ouais, alors... tu sais que dans le 1, tu réussis pas à t'enfuir, quoi. Si. Ah ouais. Si. Mais le drame recommence. C'est du spoil, quoi, ça. tu te doutes bien, c'est le but du jeu, donc forcément, si c'est le but du jeu de t'enfuir. Oui, non, mais tu peux aussi ne pas réussir, genre. Toi, t'as dit le jeu ? Je l'ai fini. Tu le finis en combien de temps à peu près ? Alors, je suis pas une référence. comment dire ? Je l'ai fini en. Je sais plus, 13 heures, je crois. Ah oui, quand même. Je sais plus, mais je crois. Je suis même pas sûr. Après, c'est juste fini l'histoire. Après, je l'ai fini à 100% en vingtaine d'heures. Ouais. C'est un jeu alors qui est très bien pour l'exploration et tout ça. Mmh. Mais je dois vous avouer que moi, j'ai développé des angoisses. J'ai pas peur de l'eau ou quoi que ce soit, mais j'ai peur de me retrouver seul. J'ai peur d'aller trop profond. T'as une angoisse comme ça, t'as peur de la pression de l'eau, t'as peur de descendre trop profond, tu dis ah ouais, mais si mais mon vaisseau il explose, ou si je sors, je pourrais plus remonter. Ça crée une petite angoisse. Et j'ai jamais eu cette angoisse là dans les autres jeux, même dans les jeux d'horreur, même les jeux Resident Evil, genre de truc. Si tu vas jouer à ce jeu là, imaginons, genre une semaine après ou deux, tu vas faire de la plongée, est-ce que tu seras toujours aussi angoissé? Exemple. Je sais pas. C'est pas. Je sais pas, mais t'as toujours cette angoisse, je vais mourir, je vais rencontrer un Léviathan, je vais mourir. Et je trouve que ça donne vachement bien en vrai. Ouais. C'est un des seuls jeux qui me fait cet effet-là, alors forcément, j'adore. Ils ont réussi à créer quelque chose, enfin, ils te font ressentir des émotions là. C'est un jeu qui il a tout gagné. Ouais, voilà. Plutôt. Et dans le 2, tu incarneras un autre personnage qui aura survécu au crash, au même crash que toi. Si je me trompe pas, ça sera une fille cette fois-ci. Elle aura atterri sur une autre partie de la planète, sur la partie arctique. Ah ouais. Donc là, il y aura un peu plus de terre, il y aura de la glace. Plus de challenge. Oui. Ça changera. Plus de monstres aussi, j'imagine. Ah pourquoi pas. Ah bah il y aura des nouveaux monstres. Le Yeti. C'est possible qu'il y ait des monstres terrestres. Parce que là, à part les rampants des cavernes, t'as pas de monstres terrestres. Hein. Ouais. T'as des bâtiments par contre, sur les quelques îles, sur les 2-3 îles que tu visites. T'as des bâtiments aliens. On suppose. Je spoil pas, mais on suppose que c'était les habitants qui étaient là avant ou des chercheurs, on sait pas trop ce que c'est. Ça fait partie de l'intrigue parce que bien sûr t'as des intrigues dans le jeu, t'as d'autres explorateurs qui étaient venus là avant toi, qui se sont crashés, tu peux suivre leurs aventures, enfin pas leurs aventures mais ils ont fait des bases un peu partout, tu les retrouves plus ou moins. Ça te permet toi de créer d'autres bases justement parce que tu peux créer une base aussi, c'est très important ça. Ouais. La fabrication de base sous-marine, c'est génial. Il y a beaucoup de craft à faire, j'ai l'impression, dans le jeu. Oui, il y en a pas mal en vrai, hein. C'est assez bien foutu. Hein. Il y a tout pour s'amuser. Tu peux aussi faire des aquariums géants pour mettre tes spécimens. Tu essaies de trouver des œufs de spécimens et tu t'en mets dedans. C'est sympa. Ça. Tu fais un élevage pour les manger ensuite. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est... Là, tu trouves un œuf de Léviathan. Et ben. Pas assez grand. Ouais, voilà. Alors, déjà, à chaque fois dans les aquariums, ils sont plus petits que dans la nature parce qu'ils ont moins d'espace, du coup, ils se développent moins. Ouais, ils ont donné une espèce. Voilà. Pour une carpe. Comme les poissons rouges. Ouais, même les poissons rouges. Tu sais que une carpe, c'est une carpe que tu pêches. Ouais. Mais ton aquarium, bah, pas grandir par rapport à la taille de l'aquarium. Mais t'as le poisson rouge aussi dans ce cas-là. Hein. Ouais. Il y a des gens, les poissons rouges, ils imaginent pas, mais normalement, à taille adulte, ça fait 30 cm. Hein. T'as déjà vu un poisson rouge de 30 cm ? Non. C'est parce que ça s'adapte, effectivement. Voilà. Bon, c'était pour la petite histoire. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de créatures qui sont inspirées, soit des légendes, soit des créatures, sur notre planète. C'est des créatures qu'on connaît pas beaucoup, au final, nous, sur notre planète. Dans l'eau, on connaît... pas grand chose. C'est encore flou, hein, même si l'être humain a découvert beaucoup de choses, c'est sûr que. Ouais, mais c'est quoi, ça. On a jamais tout découvert. Bah, dans l'eau, ouais, c'est compliqué. Hein. Ouais. je crois qu'on a découvert que 10% de nos océans. C'est ça, les chiffres sont vachement faibles en soi. La fosse des Mariannes, la fosse des Mariannes, ils ne sont jamais descendus jusqu'au bout. Ah bah non. Bon, c'est le point le plus profond de la Terre, je crois. Ouais. Si je me rappelle bien. Ouais. Il y a un réalisateur qui, justement, s'amuse à découvrir les fonds océaniques. James Cameron. Ah ouais, Il est passionné de... Bah oui, il en a fait un film qui s'appelle Abyss. Ah, je crois que j'en ai entendu parler. Je connais The Shape in the Water, mais pas Abyss. Non. Et c'est pas James Cameron. Mais c'est pas mal, The Shape in the Water. C'est une genre d'histoire d'amour entre une créature et une humaine. Ah oui, Dit comme ça, ça a l'air bizarre, mais c'est... La forme de l'eau. Oui, oui, c'est ça. Ouais, oui. Là, c'est... Désolé, je connais que le titre oui, en anglais. Non, mais c'est... Oui, je vois. C'est de la faute de Thomas, le chef du Zoa. Fais gaffe, il t'écoute. Hein. Oui, non, il ne m'écoute même pas. Voilà, ouais, de Guillermo del Toro. Oui, voilà, c'est ça. Très bon film d'ailleurs. Oui. Parce que, ouais. J'ai adoré. Voilà. Donc, pour en revenir à Subnautica, oui, il y aura un 2. Voilà, d'accord. Tu survis. Voilà. Ouais. Tu survis comme tu peux. Dans tous les cas, c'est un jeu que je conseille à tout le monde parce que. Ça te plaît, toi, les jeux de survie Ouais, surtout en solo en plus. Ouais, bah ouais, extrême. J'en parlerai un lundi prochain si tu veux, un jeu de survie sur PC. Ah ouais? Tu en parleras de quoi? De The Forest. Connais pas. Connais pas du tout. J'ai cru qu'il allait me dire Ark ou un truc du genre. J'ai rien que se dire parce que je connais. C'est à peu près le même principe que Subnautica. Sauf que là, c'est que de la terre. Parle-nous-en pas tout de suite. Ouais, tu nous en parles. Voilà, t'as ton sujet de la semaine prochaine. Ça y est. Voilà, parfait. Bon. On va mettre une petite pub. Non, une non. Petite... Bah non, enfin si. Non, si, oui. Il va y avoir. Il va y avoir des pubs. Voilà. Mais oui, il va y avoir une musique aussi. Oui, bah Tiffany Hallward, non? Tiffany Hallward, c'est ça. Ouais. No one can love me. Magnifique. Ouais. No one can love me. Ouais. Je sais pas. Je suis très bien. Je suis bien en fait. En anglais. Je suis pas bien. Je dirais des titres franglais. Moi. Oui, le franglais, c'est quand t'as un titre anglais mais que tu le dis avec un accent français. Voilà. Comme Amélie. Désormais, le jeudi soir ne sera plus pareil. Les PK Avengers sont sur Indestar jusqu'à 23h. Tout change maintenant. Exactement. Et nous, les PK Avengers, eh ben, on est les meilleurs. C'est pas faux. Oui. Oh, le petit bed. Oh, ce petit bed, il est magnifique. Ouais. Je sais pas si vous l'entendez. Vas-y, augmente-le un peu. Voilà. Voilà. Ça, c'est un petit bed électro qu'on aime bien. Voilà. Donc, oui, évidemment, on va le baisser pour que vous nous entendiez parler, sinon ça va être compliqué. Ça va être insupportable, sinon. Voilà. Donc là, on entame la dernière partie de notre émission. Ça va être la partie dédiée aux actus. Ouais. Ça va être la seule partie de l'émission qui va être assez récurrente. On fera toujours un petit point actu à la fin de chaque émission. Donc on parlera des actus films, séries, mangas, tout ce qu'on veut en vrai. Hein. Ouais, toutes les actualités. Oh, Jacques Chirac est mort. Oh. Non, peut-être pas non plus. C'est pas très pop culture ça. Culture peut-être. Pop culture, ouais. Non, mais pas pop culture. C'est comme la pomme dance. Donc je crois que Galen a pas mal de choses à nous dire pour ça. Ouais. Là je viens d'afficher l'actualité cinéma, on va dire. Vas-y, plutôt. Alors, David Cronenberg prépare une mini-série pour Netflix. David Cronenberg qui est connu pour le film comme La Mouche. D'accord. J'en avais parlé pour l'enregistrement. Oui, effectivement. Sinon, bah, on parle toujours du dernier film de Scorsese qui va pas tarder à sortir, qui s'appelle The Irishman, qui va regrouper De Niro, Al Pacino, Harvey Keitel et Joe Pesci. Donc il y a un sacré quatuor d'acteurs. Que des grands. Voilà. J'en connais dedans en plus, c'est ça qui m'interpelle le plus. Al Pacino, il a fait Scarface. Ouais. Et je crois qu'il a même joué dans Le Parrain. Oui, exactement. Avec De Niro. Non. Si, je crois qu'il y avait De Niro aussi. Mais plus jeune. Oui, si, oui, De Niro. Dans Le Parrain 2. Ouais. Et il joue le rôle de Marlon Brando, mais en plus jeune. D'accord. Dans sa jeunesse. C'est vrai que ça leur colle bien à la peau, ce rôle de mafieux. Ouais. En vrai. Ouais, comme dans Scarface. Hein. Voilà. Sinon, côté Marvel, Scarlett Johansson veut faire un film 100% féminin. Black Widow. Ah oui, alors oui, j'ai entendu ça parce que je me suis aussi renseigné justement sur la phase 4 du MCU Marvel Universe Cinematic Universe. J'ai oublié toujours les acronymes, c'est pas mon truc. Et elle veut faire, oui, alors c'est les Avengers au féminin. Voilà, je savais même pas. Est-ce qu'il y a que. Vous vous souvenez sans doute d'un des derniers plans dans Avengers Endgame où il y a toutes les filles. T'as Girl Power en fait. C'est ça. Ouais. Je l'ai remarqué. Ça, c'est la référence à ce. J'ai regardé Endgame, okay. Là, il y a. C'est hier ou avant-hier. Ouais. Sans mentir. J'ai trouvé génial, évidemment, mais. Non, moi, je l'ai pas trouvé. Ouais, j'ai vu cette image, je me suis dit. Pourquoi ils ont mis toutes les filles là mais, d'un coup. Ouais, non, elle est pas la seule à vouloir ça, en tout cas. Oui. Donc, c'est plutôt cool. C'est chouette. Elle aura aussi une série à elle. Elle va avoir son film qui va son se passer après Civil War. Série. Ah ouais, d'accord. Ouais. Okay. Donc c'est pour ça qu'on pourrait voir de nouveau Robert Downey Jr., Anthony Stark. Okay. Il y aura un Iron Man 4 aussi qui est prévu. Non, il y a un Sherlock Holmes 3 plutôt. Bah, j'ai vu un Iron Man 4. Non. Ah, donc c'est bizarre parce que. Ça sera sûrement sa fille. Peut-être. Voilà, on sait pas. Sinon. Black Panther 2. Ouais. Il y en a plein du Marseille. Le 1 était génial, apparemment. Ouais, le 1, c'est un des cas cartonné. Qui était en route pour les Oscars. On m'a forcé pour aller le voir et tout. J'ai pas eu le temps. Tu m'étonnes, c'est même pas forcé, c'est la base. J'ai pas pris le temps, mais ouais, je regarde. T'as aussi Captain Marvel 2. Ah ouais, il va sortir un deuxième. Il va falloir attendre. Il y a un plan. C'est jusqu'à 2022 qui va se pousser dans le genre de l'horreur. Oui, c'est vrai. Il y aura Scarlet Witch, donc la sorcière rouge à ses côtés. Mmh. Ils l'ont annoncé comme leur premier film d'horreur, effectivement. Ouais, Bien avant, mais c'est parti aux oubliettes. C'était les Nouveaux Mutants chez les X-Men. Ouais. Malheureusement, c'est un projet qui est parti aux oubliettes. Ah merde. Voilà. Ils ont parlé d'un crossover aussi entre mutants et. Oui, enfin, ils parlent, mais. Après, tout ce qu'ils font ça. Voilà. Sinon, côté réseaux sociaux, il y a Jennifer Aniston. L'actrice de Friends, qui enflamme les réseaux sociaux parce qu'elle reposte une photo avec tout le casting original aujourd'hui. Ah. Voilà. Donc ça fait pas mal de bruit. Voilà. Effectivement. Voilà. Sinon, est-ce que vous connaissez le vieux dessin animé en stop motion Chicken Run? Oui. Voilà. Oui, eh bien, un 2 serait dans les tuyaux là en ce moment. Chicken Run, c'est pas les trucs dans les poulets dans le poulailler. C'est ça, c'est des poules dans le poulailler. Ouais, qui essaient de se barrer. Qui essaient de se barrer, effectivement. Ouais, ça y est. Avec ces Gromit et Chum le mouton, c'est des trucs en stop motion que j'adorais. C'est n'importe quoi. Mais oui, c'est complètement débile. Et moi, j'adore. J'ai adoré ça. Sinon, vous connaissez Kit Harington? Kit Harington, qui est un grand acteur qui joue dans Game of Thrones. Mince. Voilà, bon, tant pis. Mais voilà, il explique qu'il est terrifié de rejoindre le MCU. Parce il est pas mal appelé, je pense. Il va jouer quel héros là-dedans? C'est pas précisé. Pas non, et puisqu'il j'ai vu qu'il est pas forcément à fond. Ils vont faire Blade, ils vont faire Shang-Chi. Ouais. Donc je sais pas, mais bon, ça, effectivement. Mm. Sinon, vendredi dernier, il y a le film El Camino, qui est la suite de Breaking Bad. Ouais. Voilà. Je sais pas si vous l'avez regardé. La série. J'ai vu la bande-annonce. D'accord. Oh, ouais. Je l'ai regardé et je dois avouer que c'est assez fou. Sérieux ? C'est assez fou et c'est une belle fin. Je vais pas vous spoiler, mais une belle fin pour le personnage de Jesse Pinkman. C'est à quoi ça tombe. J'ai pas vu Breaking Bad, donc pour moi, c'est pas du spoil. D'accord. Sinon, côté cinéma, il y a le film Sonic qui va sortir. Et voilà, il va avoir des mois de retard parce qu'ils vont refaire la post-production pour le design du hérisson, et apparemment ça serait mieux. Ça fait polémique, mais d'une force. Je sais pas pourquoi, en fait, ils ont fait sur le hérisson pour Parce qu'il était tellement moche. Il était pas très beau, ouais. Ouais, c'est ça. Il avait un côté trop réaliste, quelque part. Et là, ils l'ont refait. Ah, ça devenait plus cartoon, plus jeu vidéo. Exactement. Okay. Parce que sinon, ça faisait pas réaliste. Enfin, voilà. Ça se contredit, entre guillemets. Mais... Voilà, chez Disney, on a toujours les remakes en live action. Donc, le prochain, lequel je vois, c'est La Belle et le Clochard. Oui, j'en ai entendu parler, effectivement. J'ai vu La Belle et la Bête avec Emma Watson. En film ? Oui. Ouais. Ah, franchement, elle est pas mal. C'est vrai ? Ouais. Un peu trop comédie musicale parce que je suis pas trop fan des comédies. Bah, c'est Disney, donc. Après, c'est Disney, donc. Vous allez me frapper si je vous dis que j'ai jamais vu La Belle et la Bête. Tout court. Ouais, voilà. Attends, moi, je suis fan de La Reine des Neiges. On tape, je me fous plein la gueule. La Reine des Neiges aussi, il y a un 2 qui est en route. Oui. Bon, ça. Voilà, si on veut faire de l'actu Disney. Après, je sais que, d'après ce que je peux comprendre, il y a certaines rumeurs qui disent qu'ils vont faire un deuxième Les Simpsons. Le film. Oui, j'ai entendu ça. Ah ouais ? Ouais. Et tu sais qu'aussi dans les Simpsons, ils vont faire tuer des personnages, genre mourir des personnages. Genre ils vont enlever certains personnages. Déjà, ils ont déjà enlevé Apu. Oui, ça avait fait polémique à cause du racisme. Ouais. Voilà. Là, ils comptent enlever Martin. L'intellectuel. Dans la classe de Bart. Ouais. Ah oui. Ouais. Et en fait, ils comptent l'enlever parce qu'en fait, l'acteur qui jouait Martin, enfin lui qui faisait la voix de Martin, il est décédé. Ah merde. Donc ils comptent l'enlever. Ouais. Ils comptent peut-être enlever aussi Abraham Simpson, le grand-père. Et peut-être Bart Simpson aussi. Carrément. Par contre, s'ils enlèvent Bart Simpson, par contre, pour moi, la série, elle est morte. Ouais, je pense que là. Ils enlèvent un des persos principaux. Je pense qu'ils pourront pas faire ça. Rien que le grand-père, là, c'est. Grand-père encore, ça va, tu vois que de temps en temps. Oui, ouais. Ah, mais il est drôle, plus. Qu'est-ce qui n'est pas drôle dans les Simpsons, entre guillemets. Oui. C'est basé sur l'humour, cette série, quand même. Mais après, comme on parlait avec mon grand-père, le personnage principal, c'est Homer Simpson. Hein. Oui, je suis d'accord. Mais la famille, ouais, voilà, le titre, c'est Les Simpsons, c'est pas Homer Simpson, c'est vraiment Les Simpsons. Donc, t'as toute la famille qui sont les protagonistes principales. Ouais. enlever un des personnages principaux, je pense que ça va au devant de petits conflits, enfin de gros conflits même, je pense. Puisque ça appartient à Disney maintenant. Disney fait un peu ce qu'il veut. Je dis un peu de mal un peu avec Disney moi perso. Je suis moyen fan. Hein. J'ai jamais été fan de Disney de base, mais là, depuis qu'il rachète tout, Century Fox, Marvel. Lucasfilm, Pixar. Ah si, il y a Spider-Man aussi. Je sais pas si vous avez vu, ils ont prévu au moins 7 films. J'ai vu que Disney était prêt à racheter pour 5 milliards le personnage de Spider-Man à Columbia, à Sony. Ah ouais, ils sont prêts. Hein. Ils savent que ça va faire beaucoup de recettes les prochains films. Ouais. Et le Spider-Man 3 est prévu pour 2021. Oui. Ah ouais, déjà. Comment il s'appelle ? Ah, je sais plus. Mais il y a pas encore de titre. Mais voilà, c'est. J'ai pas faux, je regarde les nouveaux. J'ai regardé les anciens, tu sais, les premiers Spider-Man qu'ils ont fait. Oui. Et je mets pas l'acteur. Tobey Maguire ? Ah ouais, je l'aimais pas. Quand même. Non, je trouvais qu'il était franchement le Spider-Man. Ouais, mais je trouve qu'il était trop mou. Moi, quand ils me disent Spider-Man, c'est lui en vrai, hein. C'est pas quelqu'un d'autre. Je vois sa tête à lui, non, pas quelqu'un d'autre. Faut jouer le nouveau avec le nouvel acteur. Le Amazing ou Tom Holland? Ouais, The Amazing. Non, moi j'ai pas aimé. Au contraire, on m'a dit que c'était le meilleur. The Amazing, on m'a dit que c'était le meilleur. Franchement, non, pas du tout. J'ai presque oublié celui-là, tu vois, pour te dire. Quand, c'est lui qui sort avec Gwen, du coup, je crois. Ouais, non. Que je te dis, j'ai regardé. Je l'aime pas du tout. J'ai vu les anciens et franchement. Encore celui dans les Avengers. Bah, il faut bien Spider-Man dans les Avengers, on va dire. Et franchement, je trouve un peu plus fidèle aux comics, mais par exemple, je n'accroche pas avec le personnage de Mary Jane. Qui est joué par Zendaya. Ouais, j'ai même pas vu. Voilà, j'accroche pas avec ce personnage. Ah si, je l'ai vu forcément, mais je me rappelle même plus. Et oui, c'est pas ça qu'on va retenir en théorie quand il joue dans les Avengers. J'aime bien. Monsieur Stark. J'adore ce petit côté un peu lèche-cul. Je trouve que ça donne bien. Non, pour lui, c'est un mentor, donc il veut l'impressionner. Ouais. Voilà. Ah d'ailleurs, quand j'ai vu Endgame, ça m'a fait bizarre parce que grosso modo. Tony Stark, ils vont créer une machine à voyager dans le temps pour essayer de tout arranger. Mm-hmm. Donc c'est pas du spoil, hein, je pense pas. Non, je pense que tout le monde a. Oui, voilà. Puis c'est bon, il est sorti depuis un moment. Grosso modo, il est pas d'accord au début parce qu'il a fondé une famille, il a une fille de 5 il a ans. Peur de tout perdre. Bah oui, ça paraît logique hein, en soi. Oui. Même moi, j'hésiterais. Hein. Mais au début, il refuse. Il va accepter, on va dire, en pensant un peu à Spider-Man. Les autres, rien à foutre. Mais Spider-Man, non, ouais. Parce que c'est quand même. C'est lui qui l'a pris. Oui, qui l'a pris, dedans, oui, qui... voilà. Mais. Je trouve ça un peu. Ouais, les autres, ouais, je m'en fous. Mais Spider-Man. Non, pas forcément, je pense pas. Non, mais non, s'en non. C'est pas dit clairement en tout cas, mais. Ça fait un peu ça quand même. Et voilà, ils ont une bonne relation. Père-fils, quoi, un peu presque. Oui, c'est ça. Donc forcément, ça le touche et. Voilà, il va faire des. Des tests pour savoir si le voyage temporel est possible. C'est ça. D'ailleurs, il va dire t'as le droit de me dire une aberration, Friday. Vas-y, ça marche. Ah, bah c'est pas une aberration. Ah non, ça marche. Par contre, le dernier Avengers, j'étais déçu par le. Par la fin ? Non, mais rien, par rapport à Hulk. Hulk a perdu un peu en force. Ouais, mais il est là, mais il sert à rien en fait. Pour moi, il sert à rien. Bah... On a perdu l'ancien Hulk qui se battait contre un. Oui, je suis d'accord, il a changé, mais tous les personnages ont évolué d'une certaine manière. Ouais, mais Hulk, je trouve c'est... que. Franchement, non, Hulk, il sert plus à rien. Pour moi, il sert plus à rien. J'ai beaucoup entendu ça. Bah, c'est vrai, il est devenu plus avis, intellectuel. Hein. Ouais. Ouais, après, c'est. Moi, je préfère. C'est Bruce Banner dans le corps de Hulk. Hein. C'est ça, c'est ça. Mais c'est bien, hein. Enfin. Moi, je l'ai pas trouvé dérangeant en soi. Ah, si, ça me faisait plus chier. Pas dans Endgame, mais celui d'avant. Ouais. On était déçus de pas avoir. Voilà, c'est ça. Là, je l'ai trouvé. Plan frontal où tous les Avengers viennent vers nous et on voit Hulk c'est aussi. Tu te dis, putain, bah. Non, il va revenir Hulk, mais non. Non, il est en armure d'Iron Man. Il est en Véronica. Oui, moi, Véronica, peut... voilà. Ça spoil, donc je préfère pas le dire. De quoi par rapport à Endgame. J'ai envie de dire quelque chose, mais ça spoil. Ça spoil la fin. Je pense que c'est du spoil maintenant qu'on a. Bah, il est sorti le film déjà, donc. Je pense que il est sorti, mais c'est surtout qu'il est sorti à un moment même. Ouais. Ouais, frère Russo. J'étais déçu, j'aurais bien voulu voir un combat entre Thanos et Hulk. Alors, moi, c'est pas ça que. Parce que Hulk n'est pas le héros principal et franchement, il s'est fait éclater déjà quand il était dans le vaisseau des Asgardiens. Voilà. Ouais. Donc, perso, voir un deuxième combat, il se serait fait éclater tout pareil. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a le. On a le pan de. On a les trois premiers Avengers en fait. On a oui. Iron Man, Thor et Captain. Ça fait génial. Dans le premier Avengers. Et à la fin. On les voit réunis contre Thanos. Par contre, je vais bien aimer Thor. Ouais. Bah, une game. Ouais, la bidoche, tout ça. Ouais, c'était le running gag un peu facile. Ouais, c'est vrai. Mais c'est vrai que c'est drôle. Moi, ce que j'ai bien aimé, parce que je suis assez fan de Captain Marvel, pour le coup, avec Black Panther, c'est deux trucs. Je m'attendais pas à aimer Black Panther. Hein. Je connaissais plus, même pas avant. Ouais. Mais ouais, franchement, il l'envoie dessus. Ah, je sais pas, faut que je le. Black Panther, j'ai pas compris. Captain Marvel, je m'attendais à ce que ça soit plus ou moins elle, qu'il y ait un combat épique entre elle et Thanos. Parce que, oui, finalement. Bah, finalement, non. Elle est en second plan. Bah ouais, et franchement. Elle arrive un peu en Deus Ex Machina. Ça me déçoit, ouais, ça me déçoit, et même Scarlet Witch. Non, Witch. La sorcière rouge. Ouais, je sais plus son nom, mais même elle, à la fin de Thanos, elle allumait. Wanda. Wanda, voilà. Ouais. Allumait une petite misère quand même. Même elle, elle a son quart d'heure de gloire plus impressionnant, je trouve, que Captain Marvel. Genre, ouais. Par contre, ce que j'ai bien aimé dans. Mais je la trouve intéressante aussi, Wanda, comme personnage. Ah oui, moi, j'avais une actu geek aussi. Alors, vas-y. Ou à vous dire. Désolé, je vous coupe un peu. Non, mais vas-y. Est-ce que vous avez entendu de l'événement Fortnite ou pas? Oui, récemment. Non. Oui, ah, la saison le jeu s'est arrêté. Ouais, le jeu s'est arrêté pendant 40 heures, 48 heures, je crois. 48 heures. Alors, ouais, j'ai vu pas mal de réactions d'enfants qui étaient en train de jouer. Ouais. Et tu vois une c'est quoi un trou noir. Un trou noir. Ouais, voilà. Tu vois un trou noir et tu vois toute la map. Et tu vois un gamin à un moment, il pleure et tout, il casse la moitié sur l'écran parce qu'il fait putain, c'est la fin de Fortnite et tout. Bah, franchement, moi, ça me dérange pas du tout. Ouais, voilà. C'est ça. Moi, je suis pour. Ouais, mais ils ont fait une deuxième saison et Fortnite, bon, ça a marché, hein, on va pas nier, voilà. Ça a fait un succès, mais ils ont une putain de communication, c'est un truc passé maintenant. Moi, j'aime pas, j'ai jamais faire un bon vieux Call of que Fortnite. Voilà. Ouais, j'ai joué une deux fois, mais c'est censé sur ma PS, mais je joue pas. Pour une soirée chill, c'est vraiment bien. Fortnite, c'est détendant, c'est marrant. Les Battle Royale, je trouve ça sans intérêt. Je sais pas. J'aime bien Battle Royale, mais pas en mode futuriste comme ça. Après, c'est assez dynamique comme jeu. Ou que tu crées tes propres murailles, tout ça, ça je trouve ça complètement débile. Ça parle le mode Battle Royale. Ouais, mais justement, c'est Battle Royale que. Toi, je préfère un bon vieux Call of, ça. Bah voilà, si tu veux faire un Battle Royale, tu fais un multi Call of à la rigueur. Le Call of Duty classique. Call of Duty Mobile. Tu peux. T'as un Battle Royale dessus. Ouais. Et il est bien. C'est possible. Enfin, il est bien. Je pense que le jeu est plein de. Ouais, même Call of, je pense qu'on surestime le mode multijoueur. On sous-estime la mode campagne. Je trouve qu'ils font des très bonnes campagnes dans Call of. Je suis pas un gros joueur, mais j'aime bien faire le mode solo. Oui. Bah, c'est comme le mode ça s'arrêtera jamais. Bah, ça, ils vont en sortir un autre. Comme les FF, hein, ça s'arrêtera jamais non plus. Ouais. J'espère. Petit croisement de doigts. C'est dommage qu'ils ont pas. Il n'y a plus de Medal of Honor. Bah, ils ont arrêté la production. Ça, je suis déçu. C'est possible. Ils ont arrêté la production. Medal of Honor, c'était plus basé sur la Deuxième Guerre mondiale. Ah, je connais pas des masses, je connais le nom évidemment, parce que c'est un géant du jeu. Mais oui, c'est vrai, bah, y a toujours des jeux comme ça hein, qui se perdent et d'autres. Voilà. Ils étaient bons trucs, quoi. Parce que je l'avais sur PS2, moi, donc faut te dire tellement que c'est vieux. Ah oui. Oh mon dieu. On est vieux maintenant. J'ai jamais pu finir. On a une PS2. Voilà, donc ça, Fortnite, ça a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Là. C'est deux derniers jours. Ah bon. Moi, je trouve que c'est pas plus mal. Voilà. C'est définitivement fini, Fortnite. T'es grand temps que ça s'arrête. En fait, c'était pas fini. C'était un bug. C'est énorme. Ça a ramassé tellement d'argent qu'ils peuvent pas. Non, ils peuvent pas arrêter comme ça. Ils peuvent mettre quoi d'autre en plus. Ils ont tout mis. Non, c'est qu'ils font une mise à jour. Ils ont fait une grosse mise à jour. 40 heures. Oh la vache. Mais ça vaut le coup. Moi j'y ai pas rejoué, mais j'ai vu des streams et tout, c'est assez sympa. Voilà. Je suis pas fan non plus de regarder des gens. Mais franchement, les snaps, parce que tu sais, t'as des petites stories snap que tu peux regarder sur Snapchat, je sais pas si tu connais le logiciel un peu. Ouais, si, et genre crème du gaming ou un truc. Ouais, voilà, genre. C'est ça. Et tu voyais des gamins qui chialaient et tout. Mais non, gamins qui chialent, ça marche toujours. Ça m'a vraiment rigolé. Quoi. Alors, j'ai vu des vidéos comme ça sur YouTube avec des rageux comme ça. Moi, ce que j'ai vu sur Snap, rageux, c'est marrant quand ils chialent. C'est un filtre Joker. Ouais. Oui. Ah, c'est sympa qu'il s'entraîne à imiter le rire du Joker. Je trouve ça bien. Ça fait beaucoup de buzz aussi sur les réseaux, ça. Ouais. Bah, Joaquin Phoenix aussi fait beaucoup de buzz. Ouais. C'est sauf qu'à côté, t'as Jared Leto qui est en PLS. Bah ouais, hein, franchement, ça va. Moi, encore. Je voyais pas pour un film solo, vraiment, parce que j'ai pas du tout aimé son interprétation du Joker. Mais ah ouais. Bah, c'est moi, mon avis. Mais dans le film Suicide Squad, ça va. Franchement, on l'a pas trouvé. Après, trop vu, ce mais qui est dommage, voilà, c'est qu'on ne peut pas avoir peut-être un bon point de vue parce qu'il y a 30 minutes de montage qui ont été enlevées qui étaient sur le Joker. Ah oui. Le Suicide Squad, ouais. Ouais. Ah oui, peut-être. Ah, j'ai pas vu ça. Mais il m'a plu, voilà. Après, faire un film dessus. Alors, Harley Quinn, ouais. Ouais, ça par contre, faire un film sur Harley Quinn. Ouais, là par contre. Je pensais pas que je serais fan à ce point-là, mais ouais, je suis fan de Harley Quinn pour le coup. Je suis pas trop après DC Comics. plus Team Marvel. Je suis plus Team Marvel aussi. Mais ouais. Je suis les deux parce mais que oui, les deux on ont les univers, deux, effectivement. Forcément. C'est... Parce que ça fait du bruit. Exactement. Notamment le Aquaman, qui avait fait beaucoup de bruit, et qui est génial. Qui est génial pour ça m'a pas plu non plus. Ah ouais? Non. Non, non, j'ai pas été. Déjà, j'adore l'acteur déjà, ouais, Jason après Momoa. L'acteur Jason Momoa, oui. Oh putain, il envoie du lourd. Franchement, je pense qu'il fallait au moins ça pour donner un film Aquaman potable. Ouais. Parce je sais que... pas, je l'ai pas vu Aquaman encore. Bah, tu devrais le regarder, franchement. Bah, on m'a dit qu'il était bien. Aquaman, tu m'aurais dit, ils sortent un film Aquaman, je pense que je l'aurais pas regardé. En vrai, je l'aurais pas regardé. Mais le fait que ça soit. On a des commentaires. On a des commentaires. Ouais. Bah, ah. L'idée, t'es à côté. Vous savez, je vous coupe dans votre discussion. Mon écran est noir. Vas-y. Je vois que vas-y, ça, vas-y. Je vois que ça défile. Je vais pas les lire. Hein, mais... Qui nous a dit quoi? Benalla. Benamouf, c'est ça. J'ai bien prononcé. Voilà, il commente et on le remercie de commenter. Ça anime le chat. Et tu vas pas nous dire ce qu'il a dit. C'est trop petit. Bravo la team. Bah, rapproche-toi au pire. Attends. Avec ton micro, évidemment. Attends. Hop là. Oui, on demande trop, je Alors. Il est sous-payé pour ce qu'il fait. Ouais, il y a qu'est-ce qu'il a dit. Ouais, il chiale, mais tu vois que les enfants sont tellement addicts comme à une drogue. Ouais, ça c'est la force. Ça c'est pas, pas faux. Ouais, je suis d'accord, mais c'est... Franchement, si vous pouvez arrêter Fortnite, jouer à d'autres jeux, ouais, voilà. C'est bien plus intéressant. Et même, ne jouez pas toujours au même jeu. Ne jouez pas tout court. Si, en plus, okay, bah voilà. Y a des jeux, ils valent le coup d'être joués, hein. Subnautica par exemple. Ouais. Merci non, pour ton voyager, commentaire. Voyager. C'est bah, ça voyager aussi, devrait. Jouer, découvrir des trucs. Mmh. La curiosité quoi. Ouais. D'ailleurs, faut qu'on parle ça avec John, avec mes sorciers. Si tu me dis Fortnite, non, je te défonce. C'est quand même prévu de faire un voyage, je sais pas si c'est toujours en activité ou pas. Ah. Un voyage. Un road trip. Ah non, pas en voiture du coup. Dans la société jeu que tu m'as déjà parlé. Hein et qu'on avait parlé de ça avec les filles, qu'on avait dit qu'on verrait ça pour le faire. C'est en Thaïlande. Oui. Ah. Nous on avait prévu de faire un voyage là-bas. Ah, c'est dangereux ça. Il faut jouer si c'est toujours en actualité ou pas. En actualité. Il va falloir des bonnes lunettes. Mais beaucoup d'argent de côté parce que. Oui aussi mais. Non franchement on a des billets. Bah, non c'est plus des bonnes lunettes j'irais. Dans mes souvenirs le billet. Pas donné. Je crois que c'était 400 euros aller-retour. Ah bah nous c'était 1000. Ah, donc ah ouais 1000 euros par personne on était 5. Tu fais le calcul. Ça te dit de partir en Thaïlande, faut vraiment bien économiser quoi. Ça me tente pas. Après la vie après là-bas, elle est pas si chère. Oui, voilà, c'est juste le billet qui est en Espagne. Moi, c'est le billet. Ah là, par contre, je vais te détester. Ah ouais, voilà. Je suis timide italien. Quoi qu'on voit, c'est toujours un activité quoi. Ouais, on est un peu à la bourre là, les amis. Ouais, bah ouais, bah c'est pas grave, on va raccrocher l'antenne. Non, mais je sais pas que je veux arrêter de l'émission. Si, mais si, vas-y, on a toujours pas parlé de mon putain de jeu encore. Duquel? Bah Crossout. Ah mince. Bah oui, c'est pour ça, je vois l'heure à défile, Mais c'est pas très grave. Mais t'en parles jamais. Tu peux en parler jeudi prochain, la rigueur. Ah vas-y, et ça spoil mon jeu, switch mon jeu comme ça, direct. C'est pas grave. Si tu veux par là, j'ai un autre manga aussi qu'on aurait pu parler. Oui, c'est vrai. Que je parlerai sans doute la semaine prochaine, qui s'appelle Néon Genesis Evangelion. Je m'éloigne, mais on en parlera la semaine prochaine. Voilà. Moi, ouais, je peux dire avec ce que je reviens aussi. Ouais. Oui, tu peux dire que si tu reviens. Alors, est-ce que la semaine prochaine, c'est l'émission d'Halloween? Je crois. Attends. Non, je crois pas. Non, il y a une autre émission et après, évidemment, dans deux semaines. Je crois que c'est dans 3 semaines. Attends. En 2 semaines. On est le 2, 17. Pour celle-là, donc jeudi prochain, c'est une émission normale. Ouais. Et l'émission d'après, donc la troisième émission. Ce sera le 31. Ouais, le 31 pile, le jeudi 31. Émission spéciale Halloween. Émission spéciale Halloween. On vous parlera alors de films d'horreur, en théorie, de séries d'horreur, de jeux. Oui, j'ai un film de prévu en tout cas. Ah bah cool. Voilà. Ça on va éviter spoiler. On va le garder pour nous. Okay, vous verrez bien. Bon, par contre, pour la semaine prochaine, je reviens avec la folle journée de Ferris Bueller. Ah, j'ai cru que tu allais me dire la folle Inès, mais. D'accord, mais non. Mais bon, ça, d'accord, la folle journée. La folle journée de Ferris Bueller. Attention, c'est enregistré ce que tu as dit. Hein. Ah, ouais, mais c'est même en live en plus. Inès, si nous écoutes, on t'aime bien, tu n'es pas folle. Ce film-là, par contre, ça me dit quelque chose. On en parlera en off, mais je crois que ça me dit. Voilà, dans tous les cas, on en parlera jeudi prochain. C'est ça. On vous fait des bisous, vous êtes bien des sur poutous. Les stars, voilà. Plein de poutous. N'hésitez pas à suivre les autres émissions, notamment. Il y a quelque chose demain, non? Il n'y a rien, je crois. Demain, il n'y a rien. Samedi non plus. Par contre, lundi, il y aura Starter. Ouais, on nous retrouve avec Théo, Antoine et moi-même c'est sur, ça, Starter, sur Starter. Et puis nous deux sur Actu Solid avec Théo. De 21h à 23h, Actu Solid. Faire chier. Et le mardi, j'ai vu de la lumière. Voilà. Voilà. Par contre, là, ça serait possible que le 28, je vienne. Non. Pour Actu Suite. Non. Parce que j'aurais une question. Non. Et je vais savoir si vous serez capable d'y répondre ou pas. Toujours pas. D'accord, bah, j'aime pas. D'accord, bah, je fais grève. Voilà. Je voulais le faire, mais je l'ai pas fait. Sur ces mots, on vous laisse. Voilà. Voilà. Ouais. On va vous mettre une musique. On va écouter Leroy Sanchez, Never Really Over. Oh. Voilà. Bah, c'est une bonne musique. Comment ça? Oh. Ah, mon prononciation. Non, parce que sinon, elle est pas mal en vrai, hein, la musique. Ah, je m'en rappelle, j'ai déjà écouté plusieurs fois et ouais, elle est pas mal. Ok. Voilà. Bah, écoutez, passez une bonne fin de semaine et puis un bon week-end parce qu'on est bientôt vendredi. Bah, demain, on est vendredi. Voilà. Oui, c'est ça. Des bisous. Voilà. Comme dirait Clément. Des bisous. Ciao, ciao, ciao.